divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On célèbre le retour de deux chroniqueuses dans notre équipe, Véronique Mir et Cindy Gilbert. Et on jase télévision avec Frédéric Bernard et son nouveau segment Crackpot TV. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 14 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait des studios de Cifou à Trois-Rivières. Salut, Steph. Salut, Matt. Salut. J'ai chaud, j'ai froid. Je sais pas ce qui se passe. C'est la ménopause. Ouais, je me n'impose pas. Tu ne t'imposes pas. Hein? Commencement, ça? Non. Ça met la barre au l'endroit où c'est supposé aller. C'est là qu'avant notre barre. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis. Aujourd'hui, l'émission, Steph, émission très chargée. Pas trop de moi aujourd'hui pour faire changement. Faire changement d'hier? Je n'ai absolument rien fait. Non, j'ai... pour toi. Mais tout l'automne, mettons, puis tout ça, puis j'ai envie, tu sais, j'ai fait beaucoup de chroniques. Là, je me calme, tu sais. On a réaccueilli nos invités. Leur laisser la place. On a ramené les meilleurs, là. Exactement. La crème de la crème. À 8h, tantôt, on va recevoir Cindy Gilbert et sa collègue Activer votre santé. Mm-hmm. Elle nous parle de quelque chose qui a rapport avec la santé pour prendre soin de sa personne. Oui. C'est ce qu'elle fait à 8h. J'ai même un cue pour ce matin, arrête si ça donc. T'intéresse. T'as un cue et fesses de fer. Hein? Ça, c'est grâce à fesses de fer que t'as un cue. Fesses de fer. Ton entraînement de fesses. Non. Ça, c'est plus un mélange de chocolat. De chip, ça c'est pour ça que j'ai un cul. Ok, bon, je jugerai pas. Mais oui? Est-ce que tu me le dis ton cul? Ça t'intéresse-tu? Est-ce que tu me le montres ton cul? Non. Non? Mais je peux t'en parler. Ça c'est du harcèlement sexuel quand même. C'est pourquoi les excuses, pourquoi on tient pas nos résolutions? Ok. Hein? Donc, comment ça qu'au mois de février, pour le mois de mars, ça tient pas ces affaires-là? C'est long ça. Moi je trouve ça super intéressant parce que souvent on dit, ben... Oh, j'en prends pas de résolution, je les tiens pas. Mais peut-être qu'on pourrait les prendre et les garder. On va écouter Cindy Gilbert à 8h. Ensuite, à 8h30, nouveau chroniqueur depuis la semaine passée, Frédéric Bernard. On parle de télé. La semaine passée, on a parlé de True Detective avec lui. Donc, encore une autre série à découvrir dans une heure environ. À 9h, c'est Master Steph. Oui, je suis prête. Tu nous cuisines quelque chose. C'est déjà sur le bord de la fenêtre. Tu m'as dit, je te cache ça. C'est pas à la vue. Non, tu caches pas un ça. Rideau. Ah, pas à tout. Tu montres pas ça. Mais avant ça, on débute l'émission aux deux semaines, tous les mercredis, avec Véronique Mir. Bonjour Véronique. Hey, salut. Yeah, enfin, ouais! Ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé. On va te présenter un peu, mais avant ça, on met ton intro. C'est le Véronictionnaire. Ah. Véronique Mir. Ah, ça me manquait cette petite musique-là, là. Oui. Aussi. Que ça fait longtemps. On s'est pas parlé depuis, je dirais, moi j'estime, peut-être un an et demi, mettons. Ben, je pense que c'était mars l'année passée. Donc, ça fait moins d'un an? Ouais, moins d'un an. Ça a eu l'air d'un an et demi. Mais c'est quand même énorme. C'est là. Ça. C'est tellement long qu'elle n'est pas là. C'est vraiment long. Vous êtes fort. Mais quand tu étais là, on avait tellement de plaisir ensemble. On a parcouru l'alphabet à partir de, je crois, la lettre Z. Ouais, exact. On était là à reculons pendant un bout de temps. Et puis, là, on était rendu à la lettre F. La lettre F. Tu vois, on a franchi un bon... Voilà. Était à son affaire. Ouais. C'est sûr qu'elle approchait le plus à son affaire que moi, parce qu'aucunement je me rappelais de ta lettre. Aucunement. Mais F. Mais tu te rappelais du G, Geisha, ça t'avait allumé quelque chose? Oui, tu m'en as parlé, et c'est vrai parce que mon chat s'appelle Geisha, donc ça veut dire qu'on avait fait la lettre G, c'est sûr, je n'ai parlé en nom. Bon. Donc, lettre F, comment est-ce que ça fonctionne le Véronictionnaire? C'est que tu trouves des mots? Oui, exactement. Ben, de Z à A, je me suis dit, A à Z, là, on connaît ça. Trop facile. On va faire Z à A, là, puis c'est vraiment un peu de tout. Culture pop, curiosité, trucs culinaires, un peu vocabulaire, des expressions et tout ça. Là, donc, des curiosités personnelles. Bon, on aime ça, on est curieux. Ben oui. Puis autant que possible, des choses qu'on connaît pas trop. C'est ça. C'est on parle pas de facilité. Hein? Non. Fastoche. Quand même. Fuck you, le fastoche. Je cherche des mots qui commencent par F. Franfreluche. Oui, franfreluche, en effet. Référence intellectuelle. Fesse. Fesse de fer. Donc, j'essaie que ce soit aussi fabuleux et fantastique que possible. Ah, c'est bon. Voilà. Allons-y. Donc, F, je vous l'annonce, ça sera découpé en deux parties. Hein, parce que là, depuis M, là, de Z à... c'était pas pire. Ça là, va bien, une ouais. partie, mais là, à partir de M, là, oh my, les choix ont pleu. My. Tu disais ça, les choix ont pleu? Non, sûrement pas, mais on va le on dire. On dit que. Ça se dit, ça. Si on le dit, ça se dit. OK, c'est bon. C'est voilà, c'est dit. Donc, la première. Le premier truc que je vais vous parler, dont je vais vous parler, c'est les frissons. Frissons, d'abord, je suis allée sur Internet, évidemment, taper frissons. La première chose que j'ai trouvée, c'est la collection des livres. Hein? J'allais te demander, est-ce que tu parlais du frisson froid? Ou du frisson des livres? Les deux, en fait. Donc, Frisson, hein, une collection chez Héritage qui est parue dans les années 90. Personnellement, j'en ai lu, je pense que je les ai presque tous lus. Je les ai pas tous, mais j'en ai lu énormément. Puis en allant voir sur Internet, j'ai revu, je me disais, mon Dieu, c'est quoi déjà ces histoires-là? En gros, je me rappelais que c'était des aventures, thrillers, horreurs et tout ça. Là. Il y pas, en a... pas confondre avec Charles de Poule, je pense. Là. Je pense que moi, dans ma tête, je fais un petit peu la confusion. Charles de Poule, c'était pour les plus jeunes. Ouais. Frisson, pour les plus... Et ne pas confondre avec Michael Jackson, thriller. Oui. C'est sûr. Aussi. J'allais le faire l'erreur. Quand même. C'est sûr. Puis quand vous allez sur Internet, vous voyez les pochettes des livres, puis ça rappelle plein de souvenirs. Moi, je me suis rappelée de L'accident que j'avais bien aimé, Terrible Vengeance. Je dirais que L'accident, c'est celui-là que visuellement, moi, le plus marqué. Ah. La chaloupe avec la main qui sort de l'eau. Ah, oh, c'est terrible. Vous allez voir, je vais aller chercher ça. Quand même. Tu vas être ému. Mm-hmm. À moins que tu sois trop vieux. Ça rappelle des souvenirs. Ah, je te niaise. Mais t'es pas rendu à ménopause, donc? Ménopause, voilà. Puis il y avait aussi un week-end très spécial. Je sais pas si tu viens, ça se passait au Mexique. Puis c'était sur la pochette, tu voyais une espèce de vase. Puis il y avait plein de serpents dedans. Là. En tout cas, c'était vraiment. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh oui, ce livre-là. Donc, en tout cas, il y en a près d'une centaine. De frissons. Wow. Ah, j'ai jamais été horreur du tout, moi. C'était pas tant horreur, tu sais, c'était plus suspense, thriller, ouais, c'est ça. Il y avait rarement des monstres, c'était très rare. Chance. Voilà. Donc, c'est ça pour la collection des livres. Maintenant, le frisson physique, c'est une réaction du corps chez les animaux homéothermes. Donc, les homéothermes, c'est ceux qui sont capables de maintenir leur température interne constante, quelle que soit la température extérieure ou... Peu importe. Donc, tu parles de pas les serpents, par exemple. Ouais, genre, OK. C'est ça. Donc, agent externe, on parle de froid, agent allergène, mais ça peut aussi être une faiblesse émotionnelle. Ah. Alors, ça va provoquer des frissons, souvent aussi accompagnés de chair de poule. Qui fit avec les livres. Pas la série de livres, quand même. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être l'ensemble du corps ou une partie du corps pour préserver la température interne. Donc, c'est une réaction qui rétablit provisoirement l'équilibre thermique. Fait que c'est sûr que si on parle de frissons préalables à la fièvre, ben là, le corps a beau faire n'importe quoi. Si on est malade, on va frissonner peu importe. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est le frisson émotionnel. Ça a dû, c'est sûr que ça doit vous arriver, là. On la écoute une bonne toune. OK, pas ça. Okay, pas la chair de poule, là, quand t'écoutes quelque chose que t'aimes. Ça peut être la tristesse, t'écoutes Titanic, là. Oui. Tu regardes... Jack, là, il tombe dans l'eau, là. Puis là, tu te dis, esprit, il y en aurait eu de la place à part pour lui aussi. Ben oui, Colin, hein. Elle prenait toute la place. Mais je sais, je pense que j'ai... Ghost. Je sais pas à quelle émission il avait testé ça, mais il avait vraiment testé si c'était possible que les deux embarquent dessus. Ouais. Et il aurait vraiment pu embarquer dessus sans qu'il coule. Ah ouais, c'est horrible. Maudit, hein? Je te dis. Donc, moi, ça m'arrive aussi quand je regarde la danse. J'aime beaucoup, beaucoup la danse. Fait que souvent, c'est des choses qui viennent nous chercher la musique. Ça arrive souvent du piano particulièrement. Quand on est trois à commencer tantôt, on frissonne. Mon Dieu, on se pouvait plus. Voilà. Moi, c'est quand je regarde un gâteau au chocolat, je frissonne. Un gâteau au chocolat, c'est bon. Tu passes à chip et chocolat. Donc, pourquoi qu'on frissonne quand on est ému par quelque chose? Parce que là, c'est pas la température qui change, il n'y a rien qui arrive. Donc, en fait, c'est une sécrétion de dopamine. L'hormone du plaisir, une des molécules de l'hormone du plaisir qui fait que souvent, on va avoir évidemment la chair de poule qui fait augmenter la température corporelle. Puis quand on est très, très, très ému, la sécrétion de dopamine peut augmenter de 21%. Mm-hmm. C'est quand même, ça dépend de qu'est-ce qu'on vit, évidemment. et notre température corporelle peut augmenter de plus de 2 degrés. C'est pas rien, hein? Ouais. Quand même. Donc, faut pas paniquer, là. On fait pas de fièvre, c'est temporaire, ça va passer. De toute façon, j'ai pas vraiment un thermomètre en permanence. Scotché. Ben, c'est qu'il faut tout le temps demander à une poule, c'est quoi ma température, faut qu'elle teste, et puis là, ça commence à coûter cher, la poule, t'sais. Allez. Oh, boy! Oh là là là là! Ouais, c'est bon, on écrit ça quelque part. Mais ben, je t'entraîne. Donc, voilà pour les frissons. Deuxième thème qui fit avec, évidemment, notre météo hivernale, les flocons de neige. OK, oui. Pourquoi sont-ils tous hexagonaux? Hein? Je sais pas si vous avez déjà regardé les... Pas d'assez près, je pense. Les petites lignes sont toutes différentes. Okay. Bon, c'est très beau quand on en voit un là, qui vient découper, mais la forme extérieure est toujours, toujours hexagonale. Alors, c'est en fait dû à l'arrangement de ses composantes élémentaires, qui sont les atomes d'eau, H2O. Alors, la structure coudée de l'atome de l'H2O fait des angles d'environ 104,5 degrés. Environ. Environ, hein, tu sais, c'est quand même assez précis. Donc, quand le cristal se forme, que l'eau se fige, les molécules se positionnent en suivant les liaisons d'hydrogène, ce qui donne la forme coudée, et on en arrive toujours, peu importe, à la fin, à une forme hexagonale. Oui. C'est la même raison qui a créé le logo de C'est fou aussi. Un hexagone. Il est en arrière sur l'affiche. OK. Je cherchais. Ouais, Donc, voilà. C'est l'hexagone, c'est ça que ça veut dire. Flocon de neige. Oui. Flamant rose. Hein? Là, on tombe dans la chaleur un peu. Ça va nous réchauffer. Premièrement, à quoi doivent-ils leur couleur? À leur alimentation. Oui, c'est ça, les crevettes, je pense. Hein? Eh oui, c'est ça. Donc, les crevettes, les petites crevettes qui mangent beaucoup. Hein, ils mangent pas juste des crevettes, là, quand même. Donc, Artemia salina, qui contient les pigments kétocarotenoïdes. Alors, des pigments qui produisent le jaune, le rouge et les couleurs intermédiaires. Donc, c'est pour ça qu'ils sont roses. Mais tous les flamants ne sont pas roses. Hein. Il y en a qui sont plus gris, il y en a qui sont plus blancs. C'est des races, en fait, de flamants, dépendamment d'où est-ce qu'ils habitent aussi. C'est pas comme les crevettes, quand elles sont pas cuites, elles sont... Blanc. Sont grises, les gens blancs. Il y en a des pas cuites qui sont roses. Ça doit être des Artemia salina. Ouais, c'est ça. Mais c'est précisé sur le sac. Attention, ces crevettes sont crutes. Même s'ils sont roses, elles sont crutes. Ouais, c'est ça. Mais les flamants qui sont blancs puis gris, on les appelle-tu quand même flamants roses? Non, ben en fait, ils sont appelés, je pense, les roséus, là. C'est leur la race, ils sont les flamants roses, rose, mais les... Non, je veux dire les flamants roses. OK, OK. Mais les autres, j'ai pas regardé. OK, là, mais c'est un autre nom. Ouais, c'est okay. ça. Donc, il y a plusieurs espèces de flamants roses. Si on ferait des woks de viande de flamant, là, on pourrait appeler ça tout feu, tout flamant. Moins celle-là. Non. Ben, je sais pas. J'ai plus catché vite que l'autre. C'était plus facile, donc. Quand même. Je suis rendu difficile. Là. Ah ouais. Ouais, j'ai monté à bord, là. Je suis rendu à un niveau supérieur. Ça repasse, là. Ensuite, pourquoi ils dorment juste sur une patte? Parce que s'ils levaient les deux, ils tomberaient à terre. Oui. Ben, en fait, leur corps est couvert de plumes, donc ça les tient au chaud. Puis quand ils dorment, évidemment, ils ont des longues pattes. Hein, ils ont des longues gambettes. Là. Juste quand ils dorment. Le reste du temps, c'est des pattes rétractées. Ça va. Ouais. Donc, ils relèvent une patte pour l'enfoncer dans leur plumage pour se garder au chaud. Ils peuvent pas lever les deux. Ils doivent alterner, j'imagine. Ils alternent. Puis, j'ai fait le test cette nuit, hein. Je me suis dit, tu sais, pourquoi pas? Moi, j'ai essayé ça, moi. Premièrement, il faut être drôlement flexible. Non, ça, j'ai pas essayé ça. Mais je me suis dit, je vais aller me coucher dans mon lit d'abord. Fait que pourquoi que les flamants roses ne se reposent-ils pas tout simplement sur le sol? Ouais. Ben, ils en ont long à plier. Hein? C'est ça que les scientifiques disent, premièrement. Mais aussi, une raison très évidente, ben, s'ils se couchaient sur le sol, ça serait beaucoup plus difficile de se lever pour fuir les prédateurs en cas d'attaque. Donc, ouais. Voilà. Autre information, ben, c'est une espèce grégaire qui peut vivre en groupe d'une centaine à plusieurs milliers d'individus. On a déjà vu des colonies de 20 000 couples, donc 40 000 individus. Ça en fait des flamants roses. Ils pondent un œuf unique, ben, un œuf par année. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes sont rassemblés en crèche sous la surveillance des autres. Donc, ils vivent comme en communauté. Je trouvais que c'est quand même fun. Bien. Ouais. Un peu comme les pingouins, ben, les grands pingouins. Oui, c'est mignon. Ah, c'est le fun. Ils se promènent en cercle. Puis tout ça. Ouais. Et ils ont un bec unique qui leur permet de filtrer la vase pour avoir de l'eau là, potable, si on veut, comme un peu les lamelles, les fanons des baleines. Ah! Donc, il y a juste les flamants roses qui ont ça. Ils peuvent se propulser à 60 km/h quand même. En volant. C'est quand même rapide. Oh, en volant. ils ont un vol de 60 km/h. Wow. Wow. Ils courent pas à 60 km/h. Ouais. Ça doit être épeurant, ça, quand même. Ben, dans le ciel, là, t'as l'impression que ça va pas vite, mais... C'est parce que c'est gros, là. Ça file. Ouais. Puis ils peuvent nager, même. Ah. Quand même, ouais. Donc, ils peuvent vivre jusqu'à 13 ans. Ça, je sais pas si ça se situe où dans la moyenne des vies d'oiseaux, mais... Ben, ça doit être élevé parce que, dans le fond, étant donné que les oiseaux sont petits, en général, ça vit moins longtemps. Oui, c'est ça. Donc, ça doit être quand même pas pire. Ça doit être moins que l'autruche, mais dans plus la que la moyenne. Poule. Ouais. Je suis bien d'accord. Ou la petite mésange, je la mettons. c'est 2 semaines. Ouais, pas bien long. Je sais pas. Puis, côté un peu plus triste, ils sont très vulnérables au dérangement. Une unique perturbation peut occasionner l'échec reproductif de toute une colonie. Oh, Juste un hélicoptère à basse altitude ou même un ballon à l'hélium d'un enfant là, qui volerait proche à les stress, puis ils peuvent plus se reproduire. Et attention aux esprits sensibles. Ils sont très, très fragiles aux épisodes climatiques hivernaux rigoureux qui font que l'eau gèle, évidemment. Puis, des fois, ils n'ont pas le temps de s'enfuir. Et des milliers de cadavres de ce magnifique volatile jonchent les sols parfois dans certaines zones où il y a des grosses colonies. Mmh. Fait que, ouais, hein, c'est assez triste. C'est triste. Flamand. Ta phrase, j'allais dire, elles sont sensibles aux épisodes de 30 vies, je sais pas quoi. Je trouve ça émouvant, ça. Ça les empêche de se reposer. C'est ça. Ils sont comme, ah là, Fabienne, comment? Comment? C'est triste, ça, Fabienne. Fais plus ça. Le flamenco! Ah! Ouais. Dans le même genre que flamand. Ça se ressemble. Ça ressemble pas mal. Ça donc, ressemble. Ça rapporte avec les crevettes. Non. Pas tellement. Donc, en Andalousie, au 18e siècle, c'est là que ça trouve son origine. Donc, c'est le chant, la danse et les jeux de guitare là, qui composent le flamenco. En Andalousie? Ouais, en Espagne. Ah! C'est précis, je trouve. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça. Et c'est tellement populaire qu'il y en a jusqu'au Guatemala, Costa Rica, Panama, El Salvador. Et, curiosité, au Japon, le flamenco est tellement populaire qu'on y compte plus d'académies qu'en Espagne. Ah ouais! C'est spécial, cool. En novembre 2012, l'UNESCO l'a déclaré patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est vrai que ça se touche pas bien. On dirait un pouvoir de super-héros, tu sais, c'est comme... Wow, moi, je danse le flamenco. Da-da-da-da. Et pourquoi les danseurs sont-ils si émotifs? Je sais pas si vous avez déjà vu des danseurs de flamenco, là, sont super dramatiques. Ils ont regardé 30 vies. Ah, oh, maudit 30 vies. Mais non, ils seraient sur le dos et ils pleureraient. T'as raison. Sur une patte sur le dos, il pleure. Ou il serait en position fécale. En position fécale. Non. En position fœtus, oui, fœtale. Truc mûche, là. Alors, c'est parce que ça traite des plus profondes émotions et d'où le visage tendu des danseurs qui peuvent être des hommes et des femmes. Ouais. Et il y a même parfois même des affrontements de danseurs de flamenco qui sont très, très, très émotifs. Avant d'aller en musique, frisbee. Bon. Oh. Frisbee, pas ultime frisbee, juste le frisbee standard. Ben, un peu de tout, okay. En fait, mais c'est assez... bref, le frisbee, personnellement, je dois avoir un curse sur les frisbees. À chaque fois que j'en apporte un à quelque part, sur une plage, chez des amis pour jouer, je l'oublie, ou je le perds, ou je le retrouve plus. Donc, c'est fait pour ça, c'est comme donner au suivant. Là, ouais, c'est ça, hein? On donne le fun. Sinon, il reviendrait, puis sinon, ce serait un boomerang, tu sais. Ah! C'est ça. Ça fait que ça serait pas un frisbee, c'est non. Ça? Non, c'est ça. On serait rendu d'un B. Un DF. Ouais. Donc, l'esprit de base du frisbee était connu bien avant sa création officielle en 1948. C'est Walter Frederick Morrison qui a vu des étudiants jouer. Il se lançait des moules à tarte de la Frisbee Pie Company. Ah ouais? Okay. Ah ouais? Donc, il a décidé de reprendre ça, le moule à tarte, et de faire des disques en bakélite. C'est un des premiers plastiques qui a été inventé. Et lui, il l'a appelé le Flying Saucer. Hein, lui, il n'a pas pris frisbee. Il n'a pas catché le mot frisbee téléphone. C'était pas winner pour lui. Flying Saucer. Mais en 1957, la compagnie Wamo, là, à laquelle on doit le hula hoop, la super balle, le tapis, slip and slide, là, ils ont repris le Flying Saucer, qu'ils ont d'abord appelé le Pluto Platter, comme la planète. Ouais. Et ils l'ont renommé ensuite Frisbee en l'honneur de la compagnie qui avait été fermée tout récemment. Une chance pour eux, sinon il y a des problèmes de copyright, ça. Tu sais, quand même. Ils ne pas leur permettre ça. Mm-hmm. Puis ben, le Frisbee, c'est pas simplement le lancer, évidemment. Comme tu l'as dit, Mathieu, on connaît le Ultimate Frisbee. Il y a aussi le disc golf qui se joue comme au golf, mais à la place du club et de les balles, on a le Frisbee. Puis à la place du trou, on met une corbeille, puis il faut lancer dedans. Ça a l'air vraiment proche, ça. Quand même, hein? Mais je suis tellement bonne à lancer un frisbee, fait que... Ah! Ben, ça joue sur un terrain de golf, quand même, ici. Quand même, hein? C'est pas. Le freestyle aussi, donc seul ou à plusieurs, comme son nom l'indique, pour faire un maximum de figures acrobatiques. Et le guts, donc deux équipes qui s'affrontent pour le jeu. Le but, c'est de lancer assez fort le frisbee que ça traverse le camp adverse. Fait que comparé à l'Ultimate, il n'y a pas grande différence, ouais, non, je dirais. Là, mais puis il y en a d'autres, là, mais c'est les quatre principaux. Donc, une petite tonne ce matin. Ça n'a pas rapport avec F, là, mais c'est un coup de cœur personnel. Mimi Van Der Glo, et j'ai choisi Karting Chrétien. On écoute ça et on vient au Véronique Scénaire à Assemblage Week. Karting Chrétien, Assemblage Requis, toujours dans le Véronique Scénaire avec Véronique Mire. Oui, donc, la lettre F. La lettre F, petite conclusion. Donc, je vais vous parler, pourquoi on dit, surtout les Français, mais on le dit des fois aussi, flipper. Pourquoi on dit flipper? Ouais, c'est flippant du coup. Hein. Ouais, ou t'as peur et tu flippes. hein, on dit ça. Hein, il a flippé bien raide. Ben, ça vient des années 70, la diffusion du flipper, le fameux billard électrique. Rien à voir avec la baleine, je pense, flipper. Hein? Le dauphin. Dauphin. La baleine. Hey, là, boy. Toi, tu connais tes classiques. Ça expose mon racisme animalier, ça. Rien à voir, le petit gars s'occuper de la baleine, tu sais, en tout cas. Ils sont tous pareils. le jeu flipper, donc les jeunes de l'époque ont rapidement fait le rapprochement entre les tremblements des mains lors d'un sentiment de peur et les mouvements répétitifs nécessaires pour jouer au flipper. OK. C'est ça. Mais c'est la même chose que quand on dit tilté aussi, ça m'a fait. J'imagine tilté la machine d'arcade. Il donnait des machine d'arcade qui s'appelle tilté? Non, mais tilté, c'est comme quand tu tiltes. Il s'est marqué dessus, tilt. Dessus, il y a comme le mot tilt, il me semble, c'est machine d'arcade. C'est en anglais. C'est pas. Je suis pas rendu là. On vient de rôter dans 2-3 ans. Pourquoi on dit se déplacer en file indienne? Parce qu'on est raciste? Ouais. Ah, ben non. Oh. Ben, ça vient des Sioux, bien connus pour leurs astuces et trucs qui se déplaçaient les uns derrière les autres en marchant dans les mêmes empreintes pour pas qu'on sache combien qui étaient. Ah, ben oui, c'est tellement logique. Ben, c'était astucieux, alors on dit se déplacer en file indienne. Et donc, c'est un compliment, terminer, c'est pour dire qu'ils sont intelligents. Oui. C'est un compliment. C'est pas raciste. Ben non, pas tout. Quand même. Famille, nom de famille, beau sujet pour terminer. Donc, dans les sociétés les plus anciennes, les noms de famille n'existaient pas. On affiliait les jeunes, ou toutes les jeunes, en fait, à leur mère d'abord, parce qu'on était dans une société matriarcale, ce qui donnait André, fils de Marie, Claire, fille de Marthe. C'était tous fils de Marie, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui s'appelait Marie, comme aujourd'hui. C'est ça. Il n'y en avait pas mal. Fait que des fois, ça nous aidait pas tant à savoir de qui on parlait. Ensuite, c'est devenu patriarcal, donc on associait les gens à leur père. Donc, on disait Albert à Paul ou Léontine, fille de Marcel. Hein? C'est des beaux exemples. Léontine, quand même. L'idée du nom de famille serait apparue en Égypte, qui était utilisée pour les gens d'élite, la monarchie, les pharaons particulièrement. Donc, Ramsès I, son prénom, c'était Ouser, Maat, Re, Setep, Enre. Ou Ramsès I. C'est long, hein? Surtout que Ramsès, il y en avait eu 15 avant, fait que c'est encore plus difficile à suivre. Oui, c'est ça. Donc, qui est qui? Mais c'est quand que nos noms de famille ont été définitivement fixés. Donc, ça a été un long processus. C'est en 1474, Louis XI a interdit à ses sujets de changer de nom sans son autorisation. En 1539, François Ier rend obligatoire... d'écrire les noms dans les registres paroissiaux, c'est l'édit de Villiers-Cotterêts. Donc, les prêtres écrivaient phonétiquement les noms de famille des gens, fait que ça donnait des orthographes très variés de noms de famille. Donc, on a décidé, avec la Révolution française, de fixer les prénoms et les noms de famille en 1877, avec la création du livret de famille fixe. Donc, voilà. Et, plusieurs noms de famille tiennent leur origine. D'abord, on a beaucoup de noms de famille qui sont des topopatronymes, d'abord liés à l'endroit où les gens habitaient, donc du bois, hein, quelqu'un qui habitait proche du bois. Ça peut être des caractéristiques de la maison aussi, comme portail qui désigne celui qui habitait une maison munie d'un portail, ou barrière, quelqu'un qui avait une barrière, un enclos proche de sa maison. On s'entend, il y en a qui sont pas allés chercher loin, là. Ben, attendez, là, je vais vous dire vos noms après, là. Aussi, ça peut être lié au métier. Donc, évidemment, bon, il y avait beaucoup de forgerons, meuniers, boulangers. Donc, il y a beaucoup de noms qui découlent de ça aujourd'hui. Il y a plusieurs métiers qui se sont perdus, comme le baillargeau, qui était le nom des rives de baillarge, une variété d'orge. Il y a le daguet, fabricant de dagues. Ça n'existe vraiment plus aujourd'hui. Et le plumelet, le marchand de plumes. Alors, il y avait ça. Toi, Mathieu, plante vient du vieux français plante qui désigne une vigne qu'on vient de planter, surnom du vigneron. Ah, ben! Ah, t'étais vigneron! Intéressant. Moi, je suis sûr que j'étais en baumeur. Ben, ça n'a pas rapport avec un métier. Ton nom de famille, ça serait un topopatronyme. C'est l'agglutination de Le Paradis. C'est le nom de plusieurs localités en France où celui qui habite ou qui est originaire d'un lieu appelé Le Paradis, soit une bonne terre, une bonne vallée, un lieu agréable, verdoyant. C'est ça, ton nom de famille. Et le mien, Mire, variante de Mire en ancien français qui venait de médecin, mais c'est un des noms de famille plate, desquelles on n'est pas sûr d'où ça vient exactement. Ah, triste. Ça finit mal, donc, ça. Donc, voilà. Puis, ben il y a d'autres noms qui viennent de surnoms gentils ou pas gentils qu'on donnait aux gens, là, soit les, le gros, gras, petit, le bas, ou des gentils comme le beau, le bel, et des fois liés à la coiffure, les le blanc, le roux, etc. Donc, ça conclut mon retour avec la lettre F, partie 1. C'était le fun, hein? Fun? C'est ça, parce qu'on avait déjà dit fabuleux, fantastique. Flamboyant. Flamboyant. Oui, flamboyant. Merci, Véronique Mire. Ça me fait plaisir. On va te retrouver aux deux semaines. Oui. Les mercredis, en début d'émission à 7h30, pour la suite du Vérédictionnaire, la suite de la lettre F dans deux semaines. Oh oui, avec plaisir. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Au retour, un autre retour. Oui. Abus du mot retour. Allô. C'est Cindy Gilbert qui s'en vient avec Activer votre santé. Juste au retour à Assemblage Rocky sur Sifu. 80 fois. FM. Salut, c'est Danny Placard. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Ouais, ouais, c'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. À Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est mercredi, 14 janvier 2015. Il est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Tantôt, on vous a dit qu'on raccueillait des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Là, on a accueilli Véronique Mire. C'était le fun. Poussons ça encore plus loin. Hein, avec une deuxième revenante. Oh! Un zombie. C'est Cindy Zombie-Lbert. Ouais, elle doit avoir pris son café, pas si zombie que ça. Non, c'est sûr. C'est Cindy Gilbert. Voici, Activez votre santé. Oupa! Cindy Gilbert, bon retour! Hey, salut! Ça va? Hey, oui, moi, je suis encore essoufflée là, en écoutant cette intro-là. Ouais, ça me donne des chaleurs, mais ça, on sait que je suis rendu ménopausé. C'est ça. Ah, bon, voilà. Je savais pas. Tu l'étais pas, genre là. Non, c'est ça. Ça a changé. Chaud-froid, ça a plus d'allure. Donc, Cindy m'a un petit peu vendu la mèche de la peau de l'ours avant de l'avoir allumée. Punch? T'as-tu de la misère avec tes proverbes? J'en ai mélangé 3 ou 4. Mais apparemment... Comme dans un punch. Oui, qu'on commence l'année 2015 en parlant de résolution. Oui, oui, parce que ben, j'en avais parlé en janvier dernier, hein, le même sujet qui revient. Puis là, si vous me permettez, pour les 10 prochaines années, là, ça va être encore le même sujet au mois de janvier. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on va t'avoir pendant minimum 10 ans. C'est casé. Ben oui, c'est un contrat. C'était pas un contrat de 10 ans, Stéphanie? Oui, oui. OK, fiu, fiu, parce que là... Hein. Les résolutions, c'est parce que c'est le sujet qui revient tout le temps auprès de mes clients, auprès de mes amis. Quand on parle de santé, on parle aussi de résolution. Moi, janvier, ça fit tout ensemble. Là. Fait que, tu sais, si t'es un être humain... À date, ça vous adapte. Le public cible, des fois, les gens laissent la radio ouverte. Règle générale, puis là, je regarde Mathieu. Tu te lèves le 1er janvier, ben peut-être pas le 1er, tu pars même mal à la tête. Je me lève pas le 1er janvier. C'est ça. Tu te lèves le 3 janvier, on va se donner deux jours. Là, okay. Puis là, tu te dis, ouais, peut-être que pour cette année, 2015, il y a des trucs que je pourrais faire pour améliorer, bon, soit ma santé, soit mon mode de vie. Faudrait que je me trouve une résolution. Puis la plupart des êtres humains se lèvent le 3 janvier en se disant, ouais, j'ai une petite résolution, moi, cette année. Puis là, ma question de mon sujet amené, je suis trop curieuse de savoir c'est quoi vos résolutions à vous, Stéphanie et Mathieu. Eh boy. Je commence-tu par Stéphanie ou par Mathieu? Ben, c'est pas dur, j'en ai pas. T'as pas de résolution? Non, parce que moi, j'essaie de me lever chaque matin en essayant de vivre mieux ma vie, ouais, sans nécessairement attendre le 1er janvier. Mais c'est bien fantastique, ben oui, c'est ça, comme... Stéphanie. Et à tous les jours, je peux autant scraper ma résolution sans me sentir mal, comme les autres au mois de février. Ah, pas d'engagement. Bon. Je me rappelle pas l'année passée, c'était quoi ta résolution? Tu m'en avais parlé, puis je suis curieuse. Ah, ça devait être la même que toutes les années. Non, mais je pense que c'est essayer de toujours m'entraîner et mieux manger à ouais, chaque année. C'est pas toujours un franc succès. Bon, on se le cachera pas, mais je veux dire, ça va me suivre, je pense, le reste de mes jours, de toute façon. Ouais. Mais tu sais, je fume pas, je bois pas vraiment. Ta religion le permet pas. Ouais, de toute façon, J'ai jamais tué personne. Non, pas encore. Ça, c'est ça. Tu t'es jamais fait pogner. Ah! Bon, hey, c'est à mon tour. Vas-y. Moi, ma vie a beaucoup changé depuis l'année passée, donc je suis rendu célibataire. Donc, ça va être de me coucher à une bonne heure, parce que vu que je suis seul et j'ai pas de compte à rendre à personne, je te dirais que je freestyle pas mal ma vie en ce moment. OK, OK. Je me couche à pas d'heure, je me lève beaucoup trop de bonne heure pour l'émission, donc ça va être l'horaire de sommeil, d'essayer de calmer ça. Ça, c'est bon. Peut-être mieux manger, mais ça, je sais que ça se fait pas pour moi, mais je vais continuer de même. OK. Toi, t'es convaincu de ça? C'est moi, pas mal convaincu. Mon contrat de 10 ans, c'est de te convaincre de l'inverse, c'est ça? T'as 10 ans. Bon, parfait. T'as 1 % de fait. Je suis allée une fois avec, je disais, on va t'acheter un poivron. Ben oui. Tu mets ça avec du riz, du fromage, ben... puis tu t'es caché dans ton poivron, t'envoies ça au four. Puis il l'a même pas fait. Ben non, mais c'est genre le truc le plus facile à faire. Parce qu'il fallait qu'il coupe son poivron. Oui, mais moi, j'aurais dû sous-estimer ma paresse. C'est vrai, j'aurais dû aller vider. Oui. J'aurais dû tout faire au complet. Ça aurait donné une petite chance. Me nourrir en me faisant l'avion, genre avec ta fourchette. Non, je l'aurais foiré le poivron d'en face. OK, c'est ce que je mérite. Gratiné encore tout chaud. Ah ouais. Bon, qui est tout chaud, là? Je t'ai perdu, là. Ah, je sais plus. Mais là, pas j'ai chaud, j'ai faim. Bon, OK. Là, nous allons parler cette année de... Parce que j'essaie de l'amener de façon différente à chaque année, pareil, là, pour vous endormir, là. 10 excuses qui détruisent nos résolutions. Oh! Parce que, bon, on part au début d'année, puis on se dit, bon, OK, toi, Stéphanie, je vais essayer de vivre au jour le jour et tout ça. Mathieu dit, bon, OK, le sommeil et tout ça. Il arrive un moment donné où ce que on oublie un peu nos résolutions, où il y a d'autres choses qui prennent la place. Puis souvent, moi, regarde, j'ai fait une liste de 10 excuses qui détruisent les résolutions là, rendues février, mars. Là, il se passe quelque chose dans notre cerveau qui fait en sorte que, oups, ce qu'on pensait au début du mois de janvier, ça s'estompe. Ça s'en va dans le néant. Là. Ben, c'est facile de suivre au début quand t'es peut-être en congé quelques jours. C'est plus facile. Oui, oui. Là, puis, la vie embarque à la motivation du départ que t'as. Puis tu dis finalement, ouh, ça s'en va. Fait que, tu sais, 10 excuses. Il y a le petit mal au cœur aussi. De porter la viande qui t'inspire beaucoup aussi. Tu dis là, je le ferai plus, je le ferai plus. Puis l'année d'après, je boirai plus jamais. Ah! Oui, voilà, voilà. Fait que, première excuse, je manque de temps. Oui. Tu sais, moi, j'ai une question pour vous mille autour de la table. Là. On est nombreux dans le studio. Oui, c'est pas super, hein? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui a trop de temps? Levez la main. Levez la main. Trop de temps. Tu sais, hey, Colin, j'ai ça du temps, moi, c'est fatigant. Ça arrive pas bien, ça. Ça arrive. Ça dépend des semaines. Mais tu sais, quand tu travailles à contrat, ouais, t'es une semaine où tu fais toute la même semaine, puis l'autre, après, tu dis, voyons, si je ferais bien, donc. Mm-hmm. Mais t'es pas représentatif du grand public, je pense. Ben oui, mais cette semaine-là, non. Quand t'es en vacances, c'est pas pire, là. Ouais. Tu dis. Mais tu sais, règle générale, tu dis. Du temps, là, c'est difficile. Là. On va à l'école, on a des enfants, on travaille, on met plein de projets dans notre quotidien. Puis à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est dur d'avoir du temps. Oui. C'est dur. Mais encore là, c'est un peu l'idée de mettre nos priorités. Tu sais, dire, si je travaille, il faut que je travaille. Il faut que je me ramène quelque chose à manger quand même quelque part. Il faut que j'aille à l'école. On a des priorités. J'ai des enfants, j'ai des priorités. Mais si votre santé... qui, selon moi, est un des trucs les plus importants au monde parce que pas de santé, ça va pas bien. Le reste sert à rien, en fait. Le reste sert à rien. Tu sais, on dit l'amour, les amis et tout ça, là, c'est super important, là, mais tu dis, t'as bien beau être en amour, mais si t'as pas la santé, c'est aussi important que tout le reste. Là. C'est de mettre ses priorités en place. Mais souvent, c'est un des trucs qui va pogner le bord, tu sais, la santé. Parce qu'on se dit, je peux pas décider de pas aller travailler, sinon j'arriverai pas, sinon je vais être dans... Parce que la santé, souvent, à court terme, on s'en rend pas nécessairement compte, c'est donc ça a l'air moins... Ouais, ça va bien, puis c'est la journée que tu tombes malade, que tu t'en rends plus compte aussi, effectivement. On a traité la santé comme l'amour, avoir un coup de foudre pour ta santé. Oui, oui, mais tu sais, puis toujours comme si c'est le premier amour, tu sais, au début de ton amour. Ouais. Là. Lune de miel. Je manque de temps, oui, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'au début du mois de janvier, là, quand tu pars, tu dis, bon, ben là, OK, là, je m'inscris dans un sport, je me prends en charge pour mon alimentation, là, tu trouves le temps. Au début janvier, ça va bien, puis là, moi, prendu au mois de février, t'as un petit peu moins de temps. Au mois de mars, là, tu dis, hey, non, moi, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au mois de janvier, on possède plus de temps? Parce que les gens sont lents à revenir de vacances puis les choses sont plus lentes à aller. Ben, à l'inverse, ça pourrait être un couteau à double tranchant pour faire l'effet inverse aussi. Tu sais, le temps qu'on est capable de prendre au mois de janvier parce qu'on est motivé, il faut essayer de le prendre le reste du temps, d'où l'importance de tenir un bon agenda. Oui. De le mettre à son agenda, dire je m'en vais travailler le matin, ben là, c'est techniquement dans mon agenda, je skipperai pas ça, mais si les séances de sport, d'entraînement que je veux me mettre, je vais le mettre à mon agenda. Le fait de prendre le temps de préparer le souper, même chose, je le mets à mon agenda. Fait que c'est important. important de le mettre puis de le tenir aussi. Peut-être si tu le fais avec quelqu'un, en plus, mettons ton activité comme t'entraîner, si tu le fais avec quelqu'un, tu, la personne se fie sur toi, tu veux pas la laisser tomber, ça te donne peut-être une raison. Ça, là, ça en a un nom. Puis c'est le deuxième. Ben, c'est le deuxième, c'est pas le deuxième, moi, je vois bien vu que t'en parles. Ben, Carl, excuse-moi. Une excuse. Ben, non, regarde, on parle du coq à l'âne, ça fait partie de mon mode de vie. un autre excuse qu'on a. Le coq à l'âne, deux animaux que j'affectionne particulièrement. C'était pas là que Jésus est né entre le coq et l'âne. Entre le coq et l'âne? Mon ami m'a lâché. Ça, là, c'est une excuse qu'on peut se donner pour dire on lâche un peu, surtout qu'est-ce qui a trait avec l'entraînement, l'activité physique. C'est le fun de se dire, bien là, je me suis trouvé un ami qui est aussi motivé que moi, puis on va aller jouer dehors ensemble, on va aller s'entraîner ensemble. C'est parfait, c'est bien, puis c'est un des trucs qu'on donne. La seule affaire, c'est que là, regarde, à la chronique aujourd'hui, c'est les résolutions, les excuses qu'on va se trouver qui vont faire en sorte qu'on les réalise pas. J'en ai une dizaine, là. Je sais même pas si je pourrais avoir le temps de les passer toutes aujourd'hui, mais tu sais, quand tu dis, toi, t'as une dizaine d'excuses qui peuvent devenir des milliers d'excuses qui vont faire en sorte que tu vas lâcher, si t'ajoutes une deuxième personne, t'as ces milliers d'excuses à elle aussi. C'est fait que la problématique, c'est que c'est super motivant de dire, OK, on s'en va, exemple, on s'en va au gym ensemble demain matin. Elle, ses excuses, je sais pas moi, son champ en pouce, son enfant est malade, ça étonne pas, elle est fatiguée, elle a un virus. Elle... Toutes ses excuses à elle, combinées à toutes tes excuses à toi, si tu comptes sur la personne pour y aller, ben t'as deux fois plus de chances de pas atteindre ton objectif d'y aller aussi. Et pourtant, le gym, c'est tellement un bon endroit pour se faire des nouveaux amis. En plus. Ça, si tu y vas, tu sais que t'as déjà au moins une personne que tu vas connaître. Ben, tellement. T'as pas besoin d'attendre après elle. Le gym, là, ça, c'est l'exemple, le meilleur exemple au monde. Tu dis, à la limite, je me fais pas d'amis dans le cours parce que tout le monde est trop gêné, ben le prof va être là. Ben oui. Salut! Hein. C'est toi, ça, le prof. Ah, c'est moi, le prof. Ben, ouais, voilà. Fait que c'est ça. Fait que mon ami, tu sais, oui, trouvez-en des amis puis pour faire des activités ensemble, mais faut pas compter sur la personne, faut compter sur vous en premier. Ça, c'est une deuxième excuse qu'il y a. Hey, moi, j'en sors une autre excuse. Une excuse qu'on trouve parce que ça a l'air ridicule, là, mais ça revient souvent. Il neige dehors. Ah, la température, la météo. La température où il mouille dehors. Surtout ces temps-ci, je te dirais que c'est facile de faire ben trop frais. Ouais, tu sais, procrastiner. Mais tu sais, moi, la question que je dis justement à mes clients, on dit, tu t'en vas travailler, là. Est-ce que tu te dis, il neige dehors, je prendrai pas ma voiture? C'est un engagement que tu as pris, tu y vas. Oui, tu sais, si c'est dangereux pour ta sécurité parce qu'il y a une extrême tempête de neige puis que les écoles sont fermées, puis reste chez vous, c'est correct. Mais tu sais, s'il y a un beau petit 5-10 cm, parce qu'on est l'hiver puis on est au Québec, si tu prends ta voiture pour aller faire n'importe quelle autre activité, ça peut pas devenir une excuse pour ton entraînement ou pour quelque chose que tu avais mis à ton horaire. Mais tu sais, pense à ta sécurité, mais en même temps, dis-toi, si tu irais travailler, ça se peut que cette excuse-là pognerait le bord aussi. T'appelles ton patron, 5 cm, moi, je rentre pas travailler le matin. Fait que c'est une autre excuse aussi de dire, regarde, c'est pas une bonne excuse. Donc, traite ton travail comme si c'était ton boss. Voilà. Bon, ça? On fait ça. Ça finit par coûter cher. Ça, c'est pas faux, c'est sûr. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Dans une optique où, tu sais, si tu dis, bon, par exemple, l'alimentation, là, je commence à faire attention à mon alimentation, je vais aller faire une épicerie. Des fois, les premières épiceries, là, ils peuvent faire peur. Là. Tu fais, oh mon Dieu Seigneur, parce qu'il y a plein de choses que tu n'avais pas dans ton garde-manger. Puis là, tu achètes tout. Fait que ta première épicerie te coûte plus cher. Mais, tu vois ton épicerie, tu vois la facture, tu arrives au maxi, à la caisse, tu fais, OK, c'est élevé comme épicerie. C'est X heures de travail, c'est vrai. Si tu regardes ton compte de banque. Puis là, tu dis, bon, ben là, moi, j'ai pris mes habitudes de vie en main. Tu regardes ton compte de banque, puis par exemple, là, Stéphanie, tu m'as nommé des belles exemples, tant mieux. Ceux qui fument pas, tant mieux. Mais ceux qui disent, moi, j'arrête de fumer, là, la facture de moins que t'as là, à te payer des paquets de cigarettes, là, ça, c'est du plus que t'as dans ton budget santé. Ça, c'est un exemple, là. Mais là, à cette heure, il y a beaucoup de monde qui fume pas, tant mieux, là. Dis, je recommence à faire attention à ma santé, donc je vais boire moins d'alcool. Ben, la facture d'alcool que tu vas sauver aussi, ça rentre dans ton budget d'épicerie. Par exemple, les restaurants. Les restaurants, tu sais, dire, oh, moi, je mange pas souvent au restaurant. Tu regardes quand même le nombre de fois que tu te dis, je vais aller me prendre un petit Subway, puis calculer comme si, mettons, que c'était pas si pire pour la santé, surtout avec leur trio à chips et biscuits, là. Est-ce que tu travailles, là? Ouais. Non, mais tu sais, tu dis, ça peut être une autre possibilité que tu dis, je mange moins au restaurant. Je vais avoir une facture moins élevée, mais des fois, c'est des tout petits restaurants, là, des commandes à l'auto que tu vas prendre juste un petit café de aromatisé j'essaie de pas nommer les noms de commerce. Mettons que ça commence par T puis ça finit par Horton. Par Immortal. Voilà, oui. Ou mettons, tu t'en vas au dépanneur faire le plein d'essence, puis là, t'as une fringale, puis tu pognes un petit sac de noix que finalement, tu regardes en arrière, puis il y a 800 millions de calories dedans. Là. Quand tu prends conscience de ce que tu manges, bien, tu coupes tout ce qui est les petites dépenses dans les petits arrêts, dans les dépanneurs, dans les restaurants. Tout ça, à la fin du mois, là, si tu regardes ton compte de banque, là, ça tu viens de te débloquer terme. Un budget incroyable pour te faire une épicerie qui a du sens. Okay. Parce que ça pas fait chercher moins... des soucis, mettons, pour 60$. Ça fait moins mal. Ben oui, mais une fois de temps en temps, c'est correct. Aye. Mais tu sais, c'est tous les petits... Ah, j'ai pas le temps aujourd'hui, je vais aller me chercher ça sur le pouce. Tu sais, sur le pouce, un 5-7$, c'est pas payé, mais tu regardes à la fin du mois, ça paraît. Mm-hmm. C'est ce que tu peux mettre sur une épicerie adéquate. Même affaire au niveau de l'activité physique. J'ai pas d'argent. Excuse, t'as deux pieds. Avec deux pieds, là, tu peux faire un paquet d'affaires. Là. Tu peux vendre tes pieds. Tu peux t'amener prendre une marche. Ouais. Si tu possèdes un chien, ton chien va être vraiment content que tu l'amènes prendre une marche. Si tu possèdes un mari, ton mari va être vraiment content que tu l'amènes prendre une marche. Okay. Un chat aussi. Un hein, chat, il va être vraiment content de se faire lézard dans la liste. Si tu as un homard, as-tu déjà essayé de promener un homard en liste? C'est incroyable. Ça va pas vite, mais c'est très drôle. Tu fais des abdos. Ah ouais. Est-ce qu'il marche du côté? Faut que tu le suives. Faut peut-être que tu marches sur le côté. C'est un crabe. Ah, maudit, j'étais proche. J'ai ton accent de crabe. Tu vois, moi, les dauphins ouais, et les... Nous autres, à Saint-Lin, on dit crabe. C'est qui je mélange les dauphins puis les baleines? Ouais. Les crabes puis les homards. Voilà. C'est bon. Ouais. Mais je me suis entendue aussi entre 6h30 et 7h30 ce matin. Oui, c'est vrai. C'est... Et on a parlé de venimeux, vénéneux. Oui. Puis je m'en souvenais pas. Et mon chum m'a donné un super bon truc pour différencier les deux. Il dit venimeux, il y a un M animal. Wow! C'est son truc. Oh, ouais. Je trouve qu'étant donné que c'est le seul que j'ai, c'est un très bon truc. Et vénéneux, c'est donc pour... Ben, les plantes, par exemple. OK. Plantes vénéneuses. Ben oui. Hein? C'est bon, ça? Mais non, hey, ça, additionné avec la chronique de Véronique. Mais oui, Véronique. C'est incroyable. J'apprends donc bien des choses, moi, aujourd'hui. Ça n'a pas l'allure. Hey, le mercredi, là, aux deux semaines, va être vraiment hot. Hey, ça l'autre va semaine, être mais... bon, non, l'autre, c'est ça. L'autre semaine, c'est zone camp. C'est quoi l'autre semaine? En tout cas, peu importe. On continue? Oui. On continue? Bon. L'activité physique, c'est ça, jouer dehors. Tu peux aller te promener. Tu peux... Tu sais, là, il y a des choses qu'on possède, qu'on peut ressortir. Tu sais, un vélo, là, c'est le genre d'affaire qu'on en a pas mal tous un quelque part qui traîne, soit chez nos parents ou, tu sais, on peut le ressortir puis aller jouer dehors avec ça. Mais je dis vélo, mais on ça peut être... On peut tellement en emprunter aussi gratuitement à Trois-Rivières. Tellement. Je connais même pas les endroits. Tu sais, les patins à glace, là, des fois. Où il y a quelqu'un qui me disait, oh, moi, j'ai ressorti là, chez ma mère, j'avais mon set de ski de fond quand je l'ai ressorti. Mm-hmm. Puis regarde, oui, puis il y a des places qui prêtent des choses aussi à Trois-Rivières. Il y a des centres communautaires qui proposent un paquet d'activités pour faire bouger les gens. Vraiment pas cher aussi. Il y a certains gyms de conditionnement de physique, par hasard, comme ça, font des prix vraiment pas cher pour avoir accès à tout à volonté, les cours en groupe et tout ça aussi. Fait que je peux pas dire de nom, là, mais ça commence par ça finit par cardio. Voilà. Fait que oui, tu sais, encore là, débloquez-vous les fonds, là, tu sais, coupez ailleurs dans ce qui est moins utile, là. Tu sais, c'est sûr que si vous êtes en arrêt de travail, ça va être différent, là, mais si vous travaillez au salaire minimum, vous êtes capable de pouvoir mettre des choses pour pouvoir bouger, puis de faire un épicerie adéquat, que ça soit dans vos priorités. Non, on s'entend, là, on se le cachera pas, là, je travaille pas à temps plein, puis j'ai jamais pensé couper dans le gym, parce que si j'enlève ça, je sais que je ferai juste plus rien. Fait que j'essaie de me garder ça pour m'accrocher, puis en se disant juste, ça c'est quelque chose que je peux pas couper autant que l'épicerie, puis tu sais, hydro, ben on trouve une autre façon là, de s'adapter, puis il y a toujours moyen de s'adapter. C'est pas parce que t'as pas un gros salaire, tu peux toujours trouver une façon. Si je suis capable, n'importe qui est capable. Oui, vraiment. Très vraiment. Honnêtement. Fait que c'est de mettre ses priorités. C'est toujours ça. Là. Alors, je suis fatiguée. Ça, là, c'est une autre excuse qui revient puis qui vient détruire. Tu sais, au mois de février, dire hey, là, gars, je suis trop fatiguée. Ouais. Je reviens de travailler. Je suis pas capable d'aller bouger. Je suis fatiguée. C'est un servicieux. T'es fatigué, fait que tu bouges moins, tu restes plus sur ton divan, puis ça vient tout ensemble, là. C'est vrai. Tu sais, le fait de bouger, le fait d'aller t'entraîner, le fait de bien manger, le fait de bien dormir aussi, ça rentre là-dedans aussi. C'est tout ce qui va faire en sorte que tu vas être de moins en moins fatigué. Est-ce qu'il faut que tu te donnes le coup de pied pour y aller? Est-ce qu'il faut que tu te donnes le coup de pied pour faire tes repas? Est-ce qu'il faut que tu te donnes le coup de pied pour dire, là, je lâche mon ordinateur ou peu importe pour aller me coucher? Oui, c'est difficile, mais faut juste débarquer de ce service-là. Mais c'est vrai que plus on fait rien, Moi, on a le goût de faire quelque chose. Tu sais, si tu te lèves une journée, tu sais, j'ai rien à faire aujourd'hui, j'en profite, je fais rien, je regarde la TV. Mais tu te rends compte qu'après 2-3 heures, tu te sens pas bien, tu te sens croche. Soit t'es courbaturé, moi, ça me donne mal à la tête. Je vis que je file. Puis, je file pas bien, fait que je suis pas vraiment plus heureuse. Je sens que je suis beaucoup plus heureuse de m'asseoir à regarder la télé quand tu viens d'avoir, de jouer dehors. Tu sais, t'as les joues qui dégèlent. Là, ça fait. Là, tu te sens bien de t'asseoir encore beaucoup plus. Puis je trouve que ça n'a pas de prix comparativement à juste se lever puis juste rester assis. Mm-hmm. Ouais. Ok, belle prise de conscience ce matin, mais c'est formidable. Peut-être un jour pour moi. Pour l'instant, je suis pas rendu à ce stade-là. J'en ai une autre excuse qui vous concerne pas pour l'instant, là, mais qui concerne quand même beaucoup de gens parce que, tu sais, il y en a qui possèdent des enfants. Il y en a qui possèdent. Présente. Leur propriété. Puis j'entends souvent aussi, mais moi j'ai des enfants. Mes enfants, ils prennent, tu sais, ça prend beaucoup de temps. Mm-hmm. Puis c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, là. La seule chose, c'est que pourquoi ne pas impliquer vos enfants dans vos activités que vous faites? Préparer la cuisine. Moi, j'imagine que ça dépend de l'âge, là. 6 mois, c'est un peu plus difficile de l'impliquer. Oui, regarde, tu sais, mettons les 2 premières années, là, c'est, tu sais, tu as le droit de demander de l'aide, par exemple. Puis quand quelqu'un, tu sais, t'offre de l'aide, tu as le droit d'accepter aussi, là, tu sais, les superwoman, là, ça, c'est une autre affaire aussi, là. Dire, regarde, la grand-mère vient garder, bien, garde, moi, pendant ce temps-là, je prends du temps pour bouger, pour relaxer, me reposer, c'est correct aussi, là, tu sais, c'est comme une transition aussi. Mm-hmm. Mais, tu sais, les enfants, là, ils restent pas à 1 an toute leur vie, là. C'est incroyable comment que ça passe vite, puis ils grandissent. Puis, il arrive un moment donné où est-ce que tu peux les impliquer, tes enfants. Même quand ils sont bébés, là, va prendre une marche avec un bébé dans une poussette, là, où tu l'accroches après toi, après un an d'eau, puis tu fais des exercices, tu bouges, peu importe, tu fais, tu sais, tu peux bouger même si tu as des enfants. Puis, même que c'est important de bouger avec les enfants parce que tu deviens leur exemple. Oui. Tu sais, ils vont te copier, là. À 2 ans, tes enfants, ils te copient déjà, là. Ils copient tes gestes, ils copient tes mimiques. Fait que, tu sais, s'ils te voient danser dans ton salon, s'ils te voient bouger, ils vont faire la même chose que toi. Ça, c'est à 2 ans, là. Mais rendu à 6 ans, puis rendu à 10 ans, bon, rendu à 12 ans, ils trouvent peut-être tout ça qu'ils aiment. Mais reste que c'est leur base, puis ils s'habituent à te voir aller avec ça, puis tu deviens un peu leur empreinte, là. Ça reste ancré en eux. Oui. Puis si on y pense comme faut, est-ce qu'on se dit, si je fume, est-ce que j'ai envie que mon enfant de 2 ans prenne des cigarettes Popeye? C'est ça, pour imiter sont le geste. Cigarettes. Il y avait bâtons. Une annonce hein, comme ça qu'on voyait, là, que le petit enfant, il était tout. Moi, j'ai une photo de moi quand je suis tout petite, puis j'ai une cigarette Popeye, mais ça m'a pas perturbée. Ben non. Mais tu sais, mais en étant parent, j'imagine qu'on ne tient pas nécessairement à voir ses enfants imiter ce genre de geste-là. Oui. Donc, je pense que ça vaut la peine aussi de penser à qu'est-ce que je fais là, ce que je voudrais que mon enfant le fasse. Donc, ça peut nous aider aussi à prendre des meilleures décisions, justement, à bouger avec eux. Oui, bouger avec eux. Puis, tu sais, il y a plein d'activités aussi qui existent, là, parents-enfants, tout ça, des cours, tu sais, pour les bébés, aller bouger, stimuler les bébés. C'est super bon avec les jeunes enfants aussi. Et moi, j'ai inscrit mon mari. Je l'ai à son inscrit. le temps qu'il était pas là, dans un cours de karaté parents-enfants. Puis, gars, finalement, il aime vraiment ça. Les enfants aussi. Puis, ils bougent ensemble. Puis, vois-tu, regarde, le samedi matin, au lieu qu'ils mon chum dorme puis que les enfants errent dans la maison, on les swing au karaté. Ah, puis toi, t'as la paix. Moi, j'ai la paix. Pendant ce temps-là, je vais faire mon épicerie. On combine le plus d'affaires possible. Puis, ça, on parle de l'entraînement et tout ça là, avec les enfants, mais l'alimentation, c'est la même chose aussi. Là. Prendre le temps de cuisiner, mais prendre le temps de cuisiner avec nos enfants. Puis, des fois, c'est surprenant comment qu'on peut les sous-estimer puis comment ils sont capables de nous aider. Puis, des fois, c'est encore mieux que de leur dire touche pas à ça pendant tout le temps qu'on prépare. Là, s'ils sont impliqués, ils nous donnent un coup de main. Des fois, c'est à la place des sous-estimés, sous-esclavés à la place. Ben oui, exactement. Sinon, ça sert à ça. C'est comme un poids, c'est moins cher que des poids aussi pour les lever. T'sais, ils sont de plus en plus lourds. Fait que plus t'es bon, plus tu peux lever des enfants lourds. Ça donne bien parce qu'ils grandissent. C'est bon, ça. C'est un exercice qui est super bon. Là, tu fais des squats avec un bébé d'un mois. Mais c'est parce qu'idéalement, si tu veux faire maintenant les deux bras, il faut que tu aies des jumeaux. Oui. Ça, c'est difficile à avoir. Vas-y, du unilatéral. Là. Ah, ouais, aussi. Une série de 10 à droite, une série de 10 à gauche. Mais ce que j'aime des squats, c'est que tu pars avec ton enfant d'un mois, tu fais des squats. À 2 mois, il grandit. Puis là, tu continues. Là, puis quand ton enfant a 10 ans, puis tu fais des squats avec ton enfant de 10 ans, t'es hot, là. Hein, c'est pas pire, hein? Mais là, t'as eu une progression incroyable. Là. C'est comme quand tu fais la chaise au mur, puis t'as ton chat qui te saute ses genoux. Puis que moi, mon chat pèse plus que 20 livres. Là, t'es comme, tasse-toi. Tasse-toi, minou. Il s'est laissé aller. Mmh. Hey, je nous en sors une petite dernière, là, parce que là, je m'envoie maganer du monde à grands coups de Zumba. une petite dernière excuse qu'on se trouve. Ben, excuse ou quelque chose qui revient au mois de février, mars, si je dis ça, là, parce que c'est la même chose au mois de septembre. On est tout illuminés. Là, puis ben, au mois de novembre, on pogne une petite débâcle. Là. Ma motivation n'est plus la même qu'au début. Tu sais, au début, j'étais bien motivée. Là, puis là, Ta jument n'a pas déjà, a pas ce qu'elle a déjà été, pas ce qu'elle a déjà été. Voilà. Puis là, quand les gens me disent... Tu sais, les excuses que je vous donne, là, c'est des choses qui reviennent souvent puis que j'entends souvent. Là. Puis qu'est-ce qu'on répond à ça? T'sais? Ma motivation n'est plus la même qu'au début. T'sais, c'est « Oh, hey, là, t'es bizarre, toi. » T'es bizarre parce que ta motivation est supposée être toujours égale. Ah oui? Non, ça marche pas de même. Il y a quelque chose qui nous fait un petit déclic. Tu sais, des fois, c'est le mois de janvier, le mois de septembre. Il y a des fois, c'est une émission à télé qu'on regarde qui nous fait un déclic. Des fois, c'est un commentaire d'une personne qui nous fait un déclic qui dit « Là, je me reprends en main. » Mais ce déclic-là, là, à ce moment-là, là, on a la motivation dans le tapis. Ça va bien, puis là, on veut soulever des montagnes. Là, on a le budget. Tout d'un coup, là, par magie, on a le temps, on a les enfants. Tu dis, les enfants vont en bas. Là, toutes ces excuses-là fonctionnent pas. Là. Tu dis, là, je les ai, les moyens, parce que ma motivation est dans le tapis, fait que je mets tout ça en priorité. Mais c'est vrai que ça s'estompe. La motivation, ça s'estompe. Après un mois de temps, là, si t'as pas trouvé d'autres objectifs à mettre là, dans tes priorités, ta motivation, elle va dropper. Fait que c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va t'allumer. Un défi, quelque chose. Tu sais, il y en a qui vont s'inscrire à des 5 km de course. Tu sais, dire, bon, ben là, gars, on est au mois de janvier, là, je vais commencer à courir. Puis je veux pas avoir l'air fou. Ben, aussi. Ben, moi, je veux juste me surpasser. Tu sais, dire, je veux essayer de le faire, puis faire mon maximum de courses pendant 5 km. Ça, c'est un exemple, mais tu sais, il y en a que ça va être d'autres choses. Tu sais, essaye de t'accrocher à quelque chose qui va te motiver pour te rallumer à chaque fois. Je pense que ça pourrait être bien, peut-être, chaque premier lundi du mois, ça soit, puis on prend le temps de peut-être se faire un plan pour le mois, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, s'encourager pendant le mois, se donner peut-être un objectif à court terme, puis se dire, si je réussis ça, ben je peux m'offrir telle chose. Oui, puis tu sais, s'offrir des récompenses, c'est bon. Trouver des récompenses autres que des trucs de soins, l'alimentation, c'est déjà un bon plan. Ben, si là, je vais m'entraîner 4 fois par semaine là, pendant le mois de mars, là, à la fin, je m'offre... Oui. Si j'atteins tel petit objectif, t'as des objectifs poutines. Réalistes, là. Trois poutines, c'est plate, parce que tu viens de détruire un peu tout ce que t'as fait. C'est ça. Mais tu dis oui, fait que c'est de trouver quelque chose qui te stimule. Puis tu disais avoir des objectifs et tout ça, là, ça, c'est la magie d'avoir un entraîneur privé. L'entraîneur privé va te montrer quoi faire, tout ça, pour que ça soit efficace pour toi, mais il va toujours être là pour te fixer des objectifs, des défis aussi. Vrai. Même enfin, à travers les cours en groupe, même enfin, fait que tu sais, allez vous chercher quelque chose qui vous stimule pour que quand la motivation va descendre, ce qui va arriver un jour, c'est ceux qui sont encore dans la magie du mois de janvier en ce moment, qui disent « Non, je suis invincible! » Non, ça va vous arriver, ça fait partie de la réalité des êtres humains. Je m'inclus là-dedans. Et ça va arriver, mais c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à ce moment-là pour pouvoir remonter la pente. Là. Fait que ça va vous aider justement à plus avoir des excuses qui Donc, vont nuire à On doit réécouter cette chronique-là objectifs. Une fois par mois oui, pour oui. se motiver, voilà. se rappeler c'est quoi ces excuses-là. Parce que vous comprenez pourquoi je vais la ramener l'année prochaine, puis l'année d'après, puis l'autre année d'après. Parce que ça revient toutes les années, les résolutions. Alors, c'est cela. Ça a fait le tour. Puis je suis vraiment contente d'être de retour avec le yin et le yang. C'est nous autres, ça. Merci. Alors, oui, merci beaucoup. Bien, on est très contents. Oui, vraiment très content de te revoir. Et on va te revoir aux 2 semaines. Yes. Tous les mercredis à 8h. Pour une autre chronique, activer votre santé. Est-ce qu'on peut, mettons, quelqu'un qui me demande, genre, est-ce que je peux contacter Cindy Gilbert? Est-ce qu'on peut te contacter? Ben oui, toi. Okay. Je possède quelque chose d'incroyable. À part des enfants. Facebook. Pas Facebook. Facebook. Tape Cindy Gilbert, là, puis voilà. Pas compliqué. Voilà. T'es-tu? Il y a ta face. Je suis seule qui s'appelle Cindy Gilbert sur Facebook. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, c'est ça. Bon, on te reconnaît. Allez voir. Pour Rivière, il n'y en a pas d'avoir 8 millions. Donc, tous ceux qui te voient présentement peuvent facilement te reconnaître. Oui, avec notre webcam. Vraiment, notre caméra 3. ceux qui sont français et qui ont tendance à mettre le nom de famille en premier, on ne peut pas confondre avec Gilbert Cindy. Les nombreux Gilbert Cindy. Ouais, ça, il doit en avoir pas mal aussi. Il y en a pas mal. Mais si vous voulez me retrouver aussi, il y a la gang de motivés sur Facebook. Mm-hmm. Vous tapez la gang de motivés, là, puis d'après moi, il apparaît pas mal dans les premiers. Aussi, c'est un mur de... Ouais, c'est un mur de motivation que j'ai créé, ça fait 3 ans. On parle d'activité physique, on parle d'alimentation, on parle de motivation. Puis justement, ça, c'en est un outil pour nous aider à garder nos résolutions à long terme. Là, c'est super motivant, la gang. Et voilà. Génial. Yes. Merci, Cindy. Ciao. Bonne journée. À dans 2 semaines. Dans quelques instants, ce sera Frédéric Bernard et sa nouvelle récente chronique Crackpot TV. Mais avant ça, on se prend une petite pause après. Restez là. Ben oui, bouge pas. Ben là. Ben, bougez là, pour vous entraîner un peu. Motivez-vous. 3-4 squats pendant la pause. Dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle s'appelle Stéphanie Paradis. Lui, il s'appelle Mathieu Plante. On est passé une heure à raccueillir des chroniqueurs du passé, de vivre une version rétro d'Assemblage requis presque. On vit dans le passé. Vraiment. Donc, revenons dans le présent. On l'a accueilli pour la première fois la semaine passée. C'est Frédéric Bernard et Crackpot TV. Salut Frédéric Bernard! Salut Mathieu! Ça va? Ben oui, ça va. C'est donc bien solennel. Ben oui, j'ai. Ça doit être le froid qui me rend s'en aller comme ça. Oui, sa majesté. Donc, deuxième chronique Crackpot TV. Oui. La semaine passée, on rappelle qu'on a parlé de True Detective. Oui, c'est pour les gens qui s'en rappellent pas, ils peuvent aller écouter. Là, l'émission, elle dure 3 heures. Si genre environ 3 heures. Oui, c'est ça. Sur assemblagerequis.com. Mais c'est pour vous donner le style. C'est des chroniques qui ont qui sont commencées depuis pas trop longtemps, dans lesquelles on peut embarquer. C'est à peu près ça? Exactement. Là, je prends une série qui date un peu plus, mais qu'on peut quand même prendre en chemin, là, qui n'est pas terminée encore. Là. Je me trouve bien comique pour la série que j'ai pris parce que j'ai un peu bâché, si on me permet le terme, ce type de série-là la semaine passée. Alors, si vous vous souvenez... Dans quelle heure de ta chronique? C'était au début. J'en ai parlé un peu contre. J'ai des gens de mon entourage qui sont revenus contre ça, puis j'ai fait... Mais oui, c'est... Je me trouve drôle, en fait, de revenir avec une série. C'est une série française, en fait, que je vais vous présenter. Okay. Ah, d'accord. Alors, la semaine passée, on disait à la blague qu'il y avait Kaamelott qu'on trouvait très drôle comme série. C'était quasiment la seule, genre. Oui, c'est ça. On disait que c'était quasiment la seule. Il y en a une autre. Heureusement, les Français aussi en font des séries. Il y a une autre série, une très bonne série, qui s'appelle HeroCorp. Hein? Ah ouais? Ah, j'ai jamais entendu parler. Je ne connaissais pas. HeroCorp, alors cette série, le diffuseur c'est Calte, alors c'est sur France 4, c'est une série qu'on peut voir sur le web, souvent en streaming. Difficile au Québec de la voir, cette série-là, en France, elle est largement diffusée. C'est vraiment bizarre qu'au Québec, à la télé, les grands réseaux diffusent des émissions américaines doublées sans cesse, mais les émissions françaises, il n'y en a pas sur les grands réseaux du tout. Oui, ou les sites français vont nous les bloquer l'accès justement à ces émissions-là, ils vont nous les bloquer à notre pays. C'est un peu étrange comme système. Oui. Mais c'est faisable de le trouver. Alors, sur l'Internet, cette série-là. Et cette série-là, elle a 4 saisons en ce moment. C'est une idée de Simon Astier, scénarisée par Simon Astier, Alban Simon Lenoir. Astier, c'est le demi-frère d'Alexandre Astier de Kaamelott, c'est ça? Je vais revenir. Ah, ben, des spoilers. Alors, scénarisé par Alban Lenoir, Xavier Mathieu, qui a fait quelques saisons au début avec Simon Astier. Le réalisateur, Simon Astier. Acteur vedette, Simon Astier. Alban Lenoir, Lionel Astier. Aurore Pourtéron, Arnaud de sa mère et tant d'autres. Il y en a tout plein des acteurs dans cette série. Là, moi, juste le nom, là, j'ai vraiment le goût. Là. J'ai même pas besoin du reste. Là, moi, je vais aller voir Héro Corp, là, parce qu'il y a Héro là-dedans. J'imagine que c'est peut-être des affaires de super-héros. Je sais pas. Là. Ça va être sur le thème des super-héros, effectivement. Mm-hmm. Alors, un peu à la satire, un peu comme comme Kaamelott, finalement. Mm-hmm. Oui, Simon Astier, c'est le demi-frère, en fait, d'Alexandre Astier. Je peux vous lire le résumé de cette série-là. Okay. Alors, commencez par ça, puis ensuite en parler plus précisément. Ben oui. Alors, le segment où je lis, le segment un segment peu plus lecture. Le segment lecture. On t'écoute. Au milieu d'une vaste étendue de prairies se cache un village aux lourds secrets. John, un citoyen de la grande ville, qui se considère ordinaire, se retrouve au cœur de ce village, au personnage atypique, pour venir recueillir l'héritage de sa tante Marie décédée alors qu'il ne l'a pas vue depuis 15 ans. Comportement étrange, lumière étrange, voix étrange, espion étrange, tout est étrange. C'est au fil de ces événements absurdes que John découvrira qu'il est en fait au sein d'une des cellules de l'organisation HeroCorp, une organisation créée après une guerre en 1980 où la décision fut prise de créer différents sites regroupant des super-héros pour maintenir la paix. John est en fait au cœur de la cellule des retraités. Des retraités. Ceux qui sont hors normes, pas assez bons, démasqués, ceux dont leurs pouvoirs sont en déclin, bref, les rejetés de la société. C'est malheureusement l'un d'eux qui a une vision apocalyptique. Pour sauver le monde, tout repose sur John, mais ils ne savent pas pourquoi ni comment il va sauver le monde. Au même moment, réapparaît l'ennemi le plus craint de toutes les cellules d'HeroCorp, The Lord. Ou The Lordre, comme il le prononce. Encore une fois, les premiers au courant sont ces héros un peu inutiles. Ces mêmes héros n'auront alors pas d'autre choix que de réapprendre à utiliser leur pouvoir ou à leur trouver une utilité. C'est au fil de ces aventures que les rebondissements surgissent dans l'histoire que nos héros parcourront le monde pour en rencontrer d'autres et affronter différentes menaces. Et John, dans tout ça, il tentera lui aussi de développer ses pouvoirs, s'il en a. Alors, c'est un peu le résumé écrit de mes blancs chemins. Ah, c'est alors, toi qui écris ça, c'est très oui, bien écrit. Oui, oui, c'est moi qui l'ai... Qui, voyons, qui écrit je vais tout pas faire... Okay, je fais pas de copier-coller, je vous rassure. Okay. Ça m'impressionne encore plus, alors. Oui, voilà. Ben merci beaucoup. Ben voilà. Je fais ça juste pour t'impressionner, Mathieu. T'es fin. Non, donc, je sens qu'il y a une petite flamme, là. Ouais, c'est ça. Steph, ben, caresse dans son coin. C'est correct, je vais commencer à regarder la série de mon bord. Ah, oui, ben voilà, vous êtes convaincus, je peux m'en aller. Alors, les faits, l'histoire, vraiment, ça va être autour des super-héros. Et c'est des super-héros, comme j'ai dit, qu'ils ont des pouvoirs parfois un peu absurdes, des pouvoirs qui, par exemple, plus classique, un qui contrôle le feu, mais qui va avoir plus de difficultés à contrôler son pouvoir, si on veut. C'est vraiment un petit village dans lequel on se retrouve au début, dans les premières saisons. Dans les deux premières saisons, c'est un petit village. On est au sein de juste ces super-héros-là. On sort pas du village, vraiment. Il y a une raison pour ça. Dans la saison 3 et dans la saison 4, on se retrouve dans un autre village, mais on est ailleurs. Il y a eu un voyage qui s'est fait au travers de ça. Donc oui, on va se déplacer avec ces super-héros-là, ce qui va nous permettre de rencontrer d'autres super-héros, d'autres ennemis. Des super-héros, ils vont s'en donner à cœur joie pour leur trouver toutes sortes de pouvoirs. Mon préféré pour ceux qui connaissent la série, c'est... je vais retrouver son nom. C'est Mi-Chang. Je reviendrai sur lui un peu plus tard. Mi-Chang, dans le fond, son pouvoir, lui, c'est qu'il peut faire sortir un ballon de handball de n'importe où. Ben oui. Alors, dans le fond, c'est qu'il parle en chinois. Et si vous répondez pourquoi, vous avez un ballon de handball qui vous revole dessus. C'est son pouvoir. Wow! Là, j'en dis deux, j'en ai noté deux pour vous donner le goût d'écouter la série. Dans le fond, pour vous expliquer un peu l'humour de cette série-là. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a toutes sortes des super-héros dans cette série-là. Et comme je vous dis, on a des pouvoirs qui sont plus classiques, alors des super-héros un peu plus classiques, mais on a aussi ces super-héros sortis de l'ordinaire. Et ce qui est le fun dans cette série-là, c'est qu'on... Hey, j'ai de la misère un matin, hein? Ben, pente! C'est souvent ces super-héros-là qui vont prendre l'histoire en main. Alors, ces super-héros-là un peu étranges, là, qu'on va suivre, finalement. Moi, je vais te poser des questions sans voler des histoires que tu vas raconter plus tard, mais est-ce que... Il me semble... Au début, je me demandais, ça doit être une série qui a un bon budget s'il y a des effets spéciaux des super-pouvoirs, mais en même temps, faire apparaître ton ballon d'handball, d'après moi, c'est peut-être pas une série à gros budget, je sais pas. Très petit budget. Ouais, ok. C'est une série à très petit budget. Même que les acteurs qui jouent à l'intérieur de cette série-là ont dû financer par eux-mêmes certains décors, certains éléments de costume. Au début, on présente ce qui est un peu ironique, c'est que la série est présentée avec une pochette, si je peux dire ça comme ça, le poster de la série, l'affiche de la série est présentée vraiment avec les héros en costume. Alors, on a 4 héros qui sont en costume. Ce costume-là n'arrivera pas avant la saison 3. Alors, ces costumes-là, on les voit pas. Il n'y avait pas l'argent pour les faire. Okay. Il y avait le concept, mais il n'y avait pas l'argent pour faire ces costumes-là. Je pense à un super-héros, pour vous donner une idée là, de comment c'est fait, un super-héros que lui, il transforme les choses, il refroidit les choses, il fait de la glace. Ah, ça peut être pratique, ça. Ça peut être pratique. Dans cette série-là, ben, il ne peut plus lancer de glace. Il ne fait juste que rafraîchir des aliments. Finalement, il ne fait que rafraîchir des choses, même qu'il a un rôle de barman. Et il va rafraîchir les boissons des gens qui vont venir. Alors, ça va être son rôle dans la série la plupart du temps. Et à un moment, il va geler une bouteille d'eau pour montrer son pouvoir. Eh bien, on va faire un gros plan sur la bouteille d'eau qu'il est en train de brasser dans sa main. Et ensuite, un gros plan sur John qui regarde. Un autre gros plat sur la bouteille d'eau qui est maintenant congelée. Finalement, on a simplement échangé deux bouteilles d'eau. C'est facile à ce moment-là. J'aime ça, c'est de la débrouillardise. Cette série n'est que de la débrouillardise. Okay. Tout a été fait vraiment avec très peu de budget, très peu d'argent. C'est vraiment... Simon Assier a vraiment dû se battre pour avoir du financement sur cette série-là. Et peu à peu, on voit l'évolution justement de ce financement-là parce qu'il y a quand même 4 saisons, donc il y a un engouement qu'il y a eu sur cette série-là qui lui a permis d'aller chercher cet argent-là. Il a remis de l'argent aussi dessus cette série-là. Et la 4e saison qui est sortie en décembre dernier... Là? Oui. Ah, wow. Si peu de temps. Il y a un mois, là? Oui, quelques mois. Alors, on a quelques épisodes déjà de sortie. Des effets spéciaux, beaucoup d'effets spéciaux qui ont été mis dessus. On sent qu'il y a vraiment une grande évolution. Tout en restant avec bon goût et avec l'attention du détail, ils se servent bien de leur argent. Exactement. On reste avec vraiment l'essence même de la série. Alors, des super-héros avec de la débrouillardise, beaucoup de débrouillardise encore même dans les dernières saisons, comme on peut voir. Mais c'est vraiment une grande aventure, c'est un grand délire qui se fond là, à l'intérieur de cette série-là. Alexandre Astier, comme j'ai dit, celui qui a fait Kaamelott, alors c'est son demi-frère. On retrouve un peu le même style d'humour, le même style que Kaamelott. On sent que les deux frères ont vécu dans la même famille, finalement. On sent vraiment que c'est de la même façon qu'ils vont construire leurs histoires, ces deux frères-là. Ils vont avoir vraiment si on connaît l'humour de Kaamelott, c'est le même style d'humour qu'on va retrouver dans HeroCorp. Des personnages un peu délirants autour d'un personnage qui semble un peu plus ordinaire, si on veut, qui semble plus accroché à la réalité. Alors, c'est vraiment ce style d'histoire-là qu'on va retrouver. Simon Assier va bien sûr jouer le personnage un peu plus... Un peu. J'ai demandé, est-ce qu'ils ont profité du fait que Kaamelott est populaire pour... Je me serais attendu à peut-être voir des acteurs de Kaamelott faire des caméos dans l'émission. Il y a des acteurs de Kaamelott qui reviennent. Okay. C'est surtout Alexandre Astier et Lionel Astier qui sont son père et son demi-frère. J'ai pas vu d'autres acteurs de Kaamelott revenir. Alors, ils voulaient vraiment mettre son idée à l'intérieur de ça, à l'intérieur de cette série-là. Ils voulaient vraiment mettre... sa personnalité finalement dans cette série-là. Sans qu'on fasse trop de comparaisons entre les deux. Exactement. Déjà qu'en partant, l'humour qu'il y a à l'intérieur, l'histoire ressemble un peu à Kaamelott, un peu le même traitement qu'à la Kaamelott, la façon que c'est écrit. Je pense qu'il a bien fait justement de ne pas aller chercher autant d'acteurs. C'est vraiment là-dessus. Et Alexandre Astier, c'est long avant qu'il arrive dans la série. Je pense qu'il arrive dans la saison 3. Donc, on le met pas déjà en premier plan dans la première saison. Ils l'ont pas mis sur le DVD non plus. Non, c'est ça. On le voit pas non plus sur le DVD. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'on parle beaucoup d'Alexandre Astier dans cette série-là. Si on va sur les forums, beaucoup de gens parlent du personnage d'Alexandre Astier, mais il est là peut-être 2 épisodes. Okay. Fait que c'est dire qu'en France, Alexandre Astier s'est fait tout un nom là, en ce moment avec cette série-là, Kaamelott. Comme j'ai dit, c'est un petit budget. Cette série-là, je vais pas revenir là-dessus quand même. Saison 1, 2. Alors, à cause de ce budget-là qui était tout petit, au début, c'était très restreint. Au début, il faisait des épisodes de 30 minutes. On a 15 épisodes. Ensuite, sur la saison 3, on est tombé à des 7 minutes par épisode. Alors, des tout petits épisodes, c'est des capsules. Des sketchs presque, des capsules. Exactement. Mais c'est vraiment traité comme un épisode. C'est devenu un peu plus compliqué pour les gens qui l'écoutaient directement à la télé durant comment ils faisaient en France, c'est que sur le canal, dans le fond, entre certaines émissions, on avait un 7 minutes de HeroCorp. Un peu comme un gars, une fille à l'époque, en France, c'est des capsules. Exactement, c'est des petites capsules qu'on va avoir. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est que l'écriture n'avait pas changé et c'était une histoire qui était encore continue. Alors, c'est comme si on avait un épisode de 30 minutes qu'on avait fractionné en 7 minutes. Faut pas que t'en manques, là. Ben non. Non, c'est ça. Ce que Simon Assier faisait, c'est que la fin de semaine, il diffusait les épisodes, les 5 épisodes de la semaine, tout ensemble, ça faisait un épisode de 30 minutes. Ça, c'est super. Oui, c'était une excellente idée. La saison 3. Tu peux pas attendre la fin de semaine? T'as le goût de l'écouter pendant la semaine, non? Oui, c'est ça. T'attrapes des bouts durant la semaine, puis durant la fin de semaine, ben, tu comprends ce que t'as écouté. Moi, les séries que j'aime, je suis un fan de les écouter plusieurs fois pour pogner les détails que t'as manqué. Donc, c'est peut-être que je les écouterai la semaine, puis la fin de semaine, je me retape les scènes. Ça s'écoute probablement. Bien, en plus, ça s'écoute tellement bien. Et la saison 3, la saison 4, c'est des 13 minutes. Alors, les épisodes, il a pu augmenter de presque la moitié, mais il va sans doute faire la même chose. Alors, 19 épisodes que j'ai noté. Ça va être des téléfilms l'année prochaine. Des téléfilms d'une heure et demie. Oui, c'est ça. Ben, Simon Astier annonçait qu'il était sans doute vers la fin. Donc, peut-être une saison 5, sans doute une saison 5 qu'on va avoir. Ça a l'air d'être confirmé pour le moment. Okay. De ce que j'ai vu, j'ai écouté plusieurs conférences qui avaient l'air de dire qu'après la saison 4, ça continuait, mais que sans doute la saison 5 serait la dernière ou que la saison 6 allait être la dernière. Alors, on sent qu'on est sur la fin quand même avec ça, mais c'est quand même beaucoup. Faut savoir que la série n'était pas supposée revenir après la saison 2. Okay. Alors, la série n'avait pas attiré assez d'audience, sans doute à cause de ce faible budget-là qu'il y avait comparé aux autres grosses séries américaines qu'il y avait à côté. Les gens s'attendent à ça, des gros effets spéciaux. Oui, c'est ça. En 2008, il faut dire qu'on a beaucoup de séries déjà avec des gros effets spéciaux. Mm-hmm. Aux États-Unis, on a des très grosses séries. Game of Thrones va arriver, je pense, pas longtemps après ou quasiment en même temps. Ce qui montre l'ampleur de la technologie contre quoi ils doivent affronter. Finalement, on a des séries dans le même style comme Arrow qui va sortir, qui va avoir un budget beaucoup plus élevé, une histoire beaucoup plus fade selon moi par contre. Oh oui, la oui, pin, oui, toi, oui. La pin. Oui, oui, je pine comme ça moi. Mais HeroCorp, oui, va avoir ce petit budget-là et une petite audience dans la première saison. Ils vont renouveler pour une saison 2, mais ils vont dire à Simon Astier de conclure dans la saison 2, de faire une conclusion. Et la saison 2 n'apporte absolument aucune conclusion. Alors, si vous écoutez la saison 2 en vous disant que ça finit après, non, il n'y a pas de conclusion, il y a vraiment une continuité là-dessus. Sans doute, ce qu'ils voulaient faire, c'est écrire des BD en parallèle avec ça ou écrire des livres pour essayer d'apporter une fin. Un peu comme Kaamelott, quand même. Oui, un peu comme Kaamelott, un peu la même chose que Kaamelott a fait de son côté. Ils n'ont pas eu les mêmes problèmes à ce niveau-là. Kaamelott a eu un problème là, au niveau de ses décors, là, entre autres. Là, Alexandre Astier qui a perdu ses décors en ce moment. Je ne sais pas s'il va les retrouver. On lui a enlevé ses décors, en fait. Il n'a plus accès à ses décors. Donc, il va falloir qu'il les recrée de toutes pièces. Il va falloir qu'il refasse autre chose. Ouais. Là. On sait pas, je ne me suis pas informé plus là-dessus. Je sais qu'il y avait beaucoup de problèmes de droit. Je suis allé lire par après là-dessus. Puis, il y a comme une partie de Kaamelott qu'il ne possède pas. Donc, c'est vraiment juste à l'audiovisuel qu'il ne peut pas, pour l'instant, encore faire quoi que ce soit. Oui, c'est une des raisons pourquoi les films tardent avec Kaamelott, parce qu'il avait annoncé justement faire des films sur cette série-là. Il y a des problèmes de droit, les décors étaient tout croche. Exactement, mais oui, ça tenait pas. Mais non, t'as pas le droit. Ah, je vais en profiter, je vais rebondir sur ce qu'on parle, les décors. Ouais. Alors, les décors dans HeroCorp, c'est le village. Ça se passe en extérieur, c'est le village? On est en extérieur, on est souvent en extérieur, rarement en intérieur. Quand on est à l'intérieur, on sent qu'il manque de lumière, on sent qu'il manque un peu, justement, fait qu'ils vont préférer faire des scènes extérieures. On a un gros combat qui va arriver vers la fin de la saison 1, qui va se passer en extérieur, en grande plaine, justement. Alors, on sent que ça a été épuré. Pas beaucoup d'arbres, on est en plein soleil, belle journée pour faire un combat. On n'a pas trop à se compliquer la tâche ensuite en post-production. Okay. Comme je vous ai dit, la saison 2 n'était pas supposée revenir. Alors, la saison 2, en 2010, finissait. Finalement, c'est les fans qui l'ont fait revenir, cette série-là. Alors, les fans l'ont suivi à la télé. Il n'y avait pas beaucoup d'audience. Sur l'Internet, il y avait énormément d'audience. C'est lors des premiers Comic-Con qui se sont déroulés suite à la série qui se sont rendus compte de l'engouement qu'il y avait pour HeroCorp. Il y a des Comic-Con en France? Il y a des Comic-Con en France aussi. Je ne sais pas exactement si ça s'appelle comme ça. Je sais qu'il y en a plusieurs. L'équivalent d'une convention de geek. Là. Exactement. Le comic là-dedans est rarement très, très bande dessinée. Sur les super-héros, les mangas généralement, ces choses-là, on va avoir entre autres plus de 100... là, j'ai marqué... mon chiffre. On va avoir beaucoup. Je veux dire beaucoup. J'ai comme doute de mon chiffre d'un coup. On a beaucoup de fans qui vont se retrouver dans ces Comic-Con-là et dans les différents Comic-Con qui vont se retrouver en France. C'est pas un engouement qui est arrivé une fois. C'est plusieurs fois que ces fans-là vont se présenter et vont pas se présenter simplement pour faire référence à cette série-là. Ils vont se présenter dans l'intention de faire revenir cette série-là parce qu'ils savent qu'elle n'est pas renouvelée. C'est arrivé quand même à plusieurs reprises là, que des fans se battent pour le retour d'une série. En France, c'est beau c'est rare, c'est difficile de faire revenir une série. J'ai essayé dans ma recherche de trouver une autre série qui était revenue à cause de ça. J'en ai pas trouvé d'autres pour vous donner une idée à quel point c'est rare. Oui, pour la France. Pour la France. J'en ai pas trouvé d'autres. C'est une série que il y en a beaucoup. Bon, je fais une recherche autour de ça. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était exceptionnel que ce soit revenu. C'est revenu quand même 3 ans après. Oui, ça a été long avant que ça revienne. L'histoire était déjà écrite, mais ils ont fallu qu'ils se remettent sur le tournage. Les acteurs qui étaient dans cette série-là ont tous accepté de revenir ou presque. Il a perdu quand même une partie de ses acteurs, mais c'est très, très, très, très minime. Ouais. Non, c'est ça, on dira pas qui. C'est très minime, c'est peut-être un défaut qu'on va avoir à ça, mais c'est obligé. C'est inévitable, le gars a un autre job ailleurs à un moment donné. C'est aussi, ça, oui. On a un acteur qui est là, qui disparaît. On sait pas trop pourquoi entre la saison 2 et la saison 3. Il l'explique pas en plus. Il l'explique pas, mais on peut s'imaginer une raison de pourquoi il est pas là. Bon, cette raison est bien triste, mais on peut se l'imaginer même. Alors, c'est un peu ce qu'on va voir, la grosse différence entre la saison 2 et la saison 3. Beaucoup d'acteurs réduits, on va se concentrer vraiment sur les acteurs principaux de cette série-là, les acteurs que l'on reconnaît facilement. Peut-être pour rentabiliser le budget, pouvoir le mettre ailleurs, le budget sur d'autres choses. On va avoir beaucoup d'acteurs qui vont se rajouter ensuite. Alors, tant qu'à perdre des acteurs en cours de route, on va avoir beaucoup d'acteurs qui vont se rajouter. Est-ce qu'ils ont l'air d'être clairement des remplaçants des anciens? Des fois, on fait ça quand un acteur on le remplace par quelqu'un d'étrangement similaire. Oui, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut nommer. Non, c'est Virginie. Ça. Ouais. Pierre Curzi. Oui, irremplaçable. Donc oui, effectivement, ben on n'aura pas ça dans HeroCorp. Alors les personnages vont être tous vraiment uniques. On va vraiment avoir juste des rajouts qu'on va avoir. Et dans les rajouts qu'on va avoir, on peut noter Michel Courtemanche. Hein? Non! Mm-hmm. Alors on a Michel Courtemanche qui apparaît. Mon Dieu, tu fais une face pas surprise, tu l'as lu? Moi, non, mais parce que moi, je suis allée fouiner un peu sur Facebook, mais j'ai pas parlé. Bon, c'est ça. Elle défait mes punchs. Moi, je me suis juste sur Steph pour mes punchs, dans le fond. Mais Michel Courtemanche, ouais, je suis pas sûr. Je trouve ça vraiment cool, moi. Oui, c'est cool. Je suis pas sûr, moi. Simon Assis disait qu'il aimait beaucoup Michel Courtemanche. Il faut savoir que Michel Courtemanche avait une carrière d'humour avant qui était très grande en France, humoriste qui est devenu très connu très vite en France, très aimé du public français, et Simon Assier n'en a pas échappé à cet amour-là, adorait Michel Courtemanche et il l'a fait venir dans sa série HeroCorp. Justement, on le revoit dans les dernières saisons, il tourne encore dans la saison 4, donc c'est un personnage qui est quand même récurrent. Ah ouais. Ceux qui se disent je suis pas sûr, au moins c'est pas Stéphane Rousseau. Oui, c'est ça. Oh, Seigneur. On lui donne une pause, là. Quand même. Une coche de plus. Ou Anthony Cavana. Genre raciste. C'est vrai qu'Anthony Cavana n'est pas là. Niaise. Hein? Ce qui est très drôle, c'est qu'on a Michel Courtemanche qui va arriver suite. On va avoir un héros à l'intérieur de ça qui est Capitaine Québec. Qu'on va avoir un super héros qui va apparaître, qui va représenter une cellule installée au Québec, entre autres dans un village au Québec. Mais Michel Courtemanche n'est pas encore là, fait que c'est après qu'on va introduire Michel Courtemanche. Il a fallu qu'il donne un autre nom de super héros. Je vais vous laisser le découvrir. Ouais, je vais vous laisser découvrir son nom de super héros. C'est quand même un bon gag là, juste pour les Québécois là. Alors vraiment Michel Courtemanche qui va apparaître là-dedans. Michel Courtemanche, Québécois. On a des références Québécois à l'intérieur de cette série là. Ils vont tourner à Montréal dans les différentes saisons. On va avoir plusieurs passages à Montréal. Si je me souviens bien, à la fin de la saison 2 et au début de la saison 3, c'est tourné à Montréal. Okay. Alors vraiment, beaucoup de références québécoises qu'on va avoir dans ces séries-là. Comment ça que ça joue pas au Québec, cette émission-là, quelque part? Non, c'est ça. On va parler beaucoup du Québec. C'est drôle parce qu'on... quelque chose. Hein, oui. Pour vrai, forcez-vous. On va parler beaucoup du Québec à l'intérieur de ça. Et justement, dans les derniers épisodes de la saison 1, on va en parler beaucoup, on va faire référence à qu'est-ce qui se passe au Québec pendant qu'eux sont en train de vivre ça en France. Eh ben. J'ai parlé d'une BD tantôt, il y a une adaptation BD qui se fait en parallèle aussi pour raconter l'histoire précédente de ces super-héros-là, pourquoi ils sont devenus des has-been, entre guillemets. C'est leur origins story. Exactement, ça s'appelle, c'est vraiment les origines de ces super-héros-là. Alors, je vous parlais de Michang tantôt, qui était un champion de handball. Eh bien, il y a une BD complète qui est dédiée à expliquer pourquoi Michang est devenu un champion de handball. Sans qu'il parle, parce qu'il parle juste chinois, j'imagine, c'est des bulles de symboles. Ben, il parle en fait, okay. Mais c'est juste que des fois, il va se mettre à parler dans sa langue natale. D'accord. Et c'est là que les gens vont dire quoi et qu'ils vont recevoir une balle de handball. Okay. C'est Moura, c'est mon personnage préféré. Un autre héros dans ce style-là, pour vous donner le goût, un héros qui lançait de l'acide. Alors, c'était Capitaine Acide qu'on avait. Alors, non, c'était Acid Man qui l'appelle dans... C'est aussi dans... original. Ouais. Non, c'est ça, Acid Man qui l'appelle. Acidique, ça a été bien plus drôle. Ce super-héros-là tombe à la retraite, en fait. Alors, il perd graduellement ses pouvoirs. Son rang baisse, finalement. Il devient de moins en moins puissant pour finalement... quand on se retrouve dans cette série-là, finalement, au moment où ça se passe, il est devenu Capitaine Shampoing. Il lance du shampoing doux. Alors, mais pas de revitalisant. Non, c'est ça. Il lance du shampoing doux. Précédemment, il lançait du shampoing qui piquait les yeux, mais il est encore dégradé. Puis c'est ça qu'on vit. Il dégrade, fait qu'il lance du shampoing doux. C'est un sans larmes. Comme pour les enfants. Donc, c'est vraiment ce style de héros-là qu'on va avoir. Là, je vous en ai nommé deux, mais il y en a toutes sortes d'autres. Vraiment, c'est... je vous ai nommé mon préféré qui était Michang, mais il y en a vraiment d'autres qu'on va avoir tout aussi original que ces super-héros. Moi, je pense que trouver des noms de super-héros serait un pouvoir que j'aurais. Je l'ai rappelé, tu sais, sans l'arme fatale, je l'ai rappelé de même, le super-héros, sans l'arme fatale, comme l'arme fatale, comme le film. Ok, sans l'arme fatale. Ça serait ton super-pouvoir. De trouver des surnoms, ouais. Ok, cool. Simple. Cool. Pas l'air d'être convaincu. Tu pourrais aller dans HeroCorp. Merci. Ça serait leur style. Merci. Wow. Ça serait leur genre. C'est un honneur. Dans l'adaptation BD, Simon Assier, ce qu'il racontait, c'est que ça lui permet, comme on parlait d'un faible budget, ça lui permet de mettre des hélicoptères, de mettre des policiers. Il s'en donne en cœur joie dans cette BD-là pour en avoir feuilleté un peu sur Internet, quelques pages, regarder un peu de quoi ça avait de l'air. C'est presque comme ce que la série aurait pu être, mettons. Exactement. En fait, je pense que c'est vraiment son côté enfant qui ressort. Ce que lui aurait aimé que ce soit, que s'il n'y avait pas eu de limitation de budget, on a vraiment, bon, les explosions, il se retrouve dans les États-Unis, il se retrouve en Chine, il se retrouve... Ouais. Il voyage partout dans le monde avec cette BD-là pour vraiment raconter l'origine de tous ces personnages-là. Mon avis, je serais déjà rendu là, à mon avis. Okay. Ça vous dérange pas? Ben non, je veux ce que t'en penses, parce qu'à date, on se demande tout le temps vraiment ce que t'en penses. Oui, parce oui, que c'est ça. C'est pas clair, c'est flou un peu. Ben, j'ai pas aimé ça. Ok, ouais. Sautez ça. Écoutez le premier épisode, vous allez comprendre, puis arrêtez ça après. C'est ça, juste découvrir ces deux super-héros-là. Allez jusqu'à Michel Courtemanche, arrêtez. Donc, pour rester toujours objectif, je vais y aller avec des points positifs et des points négatifs. Cool. Parce que comme toute série, il y a des points négatifs. Alors, je vais y aller avec les points positifs en premier. L'univers. Malgré que ce soit un petit budget, l'univers est très gros, très travaillé. On sent que Simon Assier est un fan de Marvel. Et on sent qu'il a voulu recréer ça un peu, cette mythologie-là autour de Marvel, mais cette fois avec ses propres super-héros, avec des héros français. On a différentes cellules qui sont installées un peu partout dans le monde, sur la planète. Comme je vous ai dit, on fait référence au Québec. On fait référence un peu en Chine, sur d'autres continents, pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'il va y avoir des combats, on va en parler aussi, on va faire une référence pour... vraiment construire une histoire parallèle autour de ça pour vraiment faire une grosse histoire et vraiment avoir une idée globale de qu'est-ce qui se passe sur la planète en ce moment avec nos super-héros. C'est un gros travail d'écriture surtout, pas beaucoup d'effets visuels par rapport à ça, on va pas nous le montrer, on va surtout nous le parler, et ce gros travail d'écriture-là est très bien fait, est vraiment très bien fait, ça nous apporte dedans, il y a une histoire, il y a une mythologie par rapport à cette série-là. Si on parle avec un fan des HeroCorp, un mordu des HeroCorp serait capable de vous en parler comme on parlerait de Marvel. Mm-hmm. Alors, c'est quand même un gros... c'est quand même quelque chose de... Voyons, je perds mes mots en plus, là. Fait que c'est quand même quelque chose de très, très fort, là. Je vais parler comme un maternel. C'est quelque chose de très fort, là. C'est bien, c'est très bien. C'est ça, quelque chose de très fort qu'il a réussi à faire avec ça. Bon, je parle de ça. L'histoire ne se limite pas au budget, mais les délires non plus. Il y a des délires à savourer. Je vous ai parlé de Capitaine Shampoing. Je vous ai parlé de Michang. Il y en a de toutes sortes. L'aventure qu'ils vont vivre en tant que tel, ils vont pas juste le nom des super-héros. C'est pas juste le nom des super-héros, c'est vraiment ce qu'ils vont vivre ensemble. Ils vont être des délires, des fois. Ils vont essayer de venir en aide aux citoyens de façon un peu absurde, justement, avec ces pouvoirs-là. Alors, on sent que c'est des super-héros qui se maîtrisent pas totalement et qui maîtrisent pas non plus le monde dans lequel ils sont. Si on connaît Kaamelott, on connaît un peu les personnages farfelus qui sont autour du roi Arthur. C'est un peu ce même type de personnage-là qu'on va se retrouver autour de John, justement. point positif, j'ai mis l'histoire du tournage difficile. Petit budget, une série qui a été annulée, qui a été sauvée par des fans. Série qui ont dû faire, qui ont dû arrêter pendant un mois parce qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir et ça ne s'apprêtait pas aux scènes en tant que tel. Je dis un mois, mais c'est environ. Il faut qu'ils s'adaptent à la température. Des tournages vraiment difficiles. Il y a Michel Courtemanche qui en parle aussi sur YouTube, qui parle justement de cette difficulté-là à rassembler les acteurs des fois ou aussi... la saison 3 est tournée à une place qui est dans la saison 3 est tournée dans une place en particulier en France. La saison 4 est tournée complètement à l'opposé dans le sud de la France. Alors, saison 3 est tournée en hiver, saison 4 est tournée en été, mais les deux se passent au même moment. C'est la suite de l'un et de l'autre. Okay. Donc, pour vous donner une idée de la difficulté des fois du tournage, comment ils ont dû faire avec, il n'y avait pas chaud, il fallait qu'ils tournent en été, il fallait qu'ils tournent en juin, alors que l'autre est tourné, je pense, en février ou en mars. Alors qu'il y a encore de la neige. Fans de Kaamelott, vous allez vous retrouver. Alors, c'est vraiment la même écriture, le même univers, je le dirai jamais assez. Simon Assier et Alexandre Astier le disent eux-mêmes, ils ont vraiment ce style d'humour-là qu'eux savent si bien maîtriser. Les fans de super-héros aussi vont se retrouver. On a vraiment un univers qui est construit comme du Marvel finalement, alors des super-héros qu'on a dedans. C'est vraiment, si vous aimez les super-héros, vous allez aimer cette série-là. Moi, je capote, là, c'est comme le meilleur des deux mondes ensemble. Oui, pour c'est moi, ça. Là. Le traitement des Québécois, je l'ai mis dans le point positif. On parle pas des sacres, on parle pas de la fameuse poutine. Il y a rien de merci. Cliché. Oui, c'est ça. Merci. Enfin, en France, on est capable de parler des Québécois comme des Québécois, comme une nation, comme une culture en tant que telle. On ne ridiculise pas. Michel Courtemanche est un personnage au même titre que les autres héros dans cette mm-hmm. série-là. Et il va pas être un personnage parce qu'il est Québécois qui va sacrer ou qui va manger la poutine ou qui va être un peu bougon, finalement. Là. Alors... merci beaucoup à Simon Assier. S'il m'écoute, je sais qu'en ce moment, Hollywood, tout m'écoute. Là, oui. Tout le monde m'écoute partout. Donc, Simon Assier, merci beaucoup pour ça. Vraiment, les Québécois, c'est vraiment... on sent qu'il a dit lui-même qu'il y a un amour pour le Québec. Et on sent que cet amour-là pour le Québec est véritable quand on écoute cette série-là. Les points négatifs. Bon, j'ai parlé de l'humour. Des fois, c'est pas aussi drôle qu'on voudrait que ça le soit. Ah. Mm-hmm. Je vous dirais que quand on l'écoute, on a plus souvent un sourire que vraiment un éclat de rire en tant que tel. On va avoir quelques moments punch où vraiment on va trouver ça drôle, justement. Des fois, des gags sont apportés peut-être pas de la bonne façon pour puncher, mais qui sont comiques, qui auraient pu être apportés d'une façon où vraiment ça aurait punché, vraiment ça nous aurait fait rire. Mais vu que les épisodes sont construits sur une histoire... Et en même temps, Simon Assier se justifie en disant que c'est plus une fiction qu'il a voulu faire qu'une série comique en tant que telle, même si le traitement est très, très humoristique. L'humour, parfois, ne fait pas tout le temps mouche. Certaines personnes vont peut-être se tanner. Si certaines personnes veulent écouter ça vraiment pour rire à l'éclat et se foutre un peu de l'histoire... Mmh. Passez votre chemin, c'est peut-être pas la série pour ça. C'est pas une série à sketch comme du Caméra Café, ça sera pas aussi efficace que ça. Là. Mmh. C'est vraiment une longue histoire qu'on va avoir. Là. Donc, des fois, l'humour qui fait pas tout le temps mouche. Changement de ton dans la saison 3. Saison 1, saison 2, on a quelque chose qui se veut drôle, qui se veut quand même comique. On veut rire un peu de ça et un peu partir dans des délires comme ça. Dans la saison 3, on devient un peu plus sérieux, un peu plus sombre. Je trouve ça un peu dommage. Dans Kaamelott, ils ont fait ça aussi. J'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup ça. C'est Simon Assier et Alexandre Assier partir dans des trucs très sombres, des personnages très sombres. John aussi va se retrouver... va avoir un peu le même traitement que le roi Arthur dans Kaamelott, ce que je trouve un petit peu dommage de délaisser ça, qui fait l'essence même de la série, des super-héros qui vivent un délire ensemble, un délire collectif. J'ai parlé de John un peu, le personnage principal, un peu fade selon moi. C'est un personnage, si ce ne serait que le personnage principal qu'on suivrait, qui n'avait pas tout cet univers-là autour, je le trouverais peut-être un petit peu fade. Un personnage qui se pose beaucoup de questions. Oui, ça peut être intéressant, un personnage qui se pose des questions parce qu'il se retrouve dans cet univers-là, même quand il saisit l'univers et qu'il décide de prendre en main ces personnages-là, ces héros-là qui sont autour de lui. On sent qu'il y a quand même... il se pose encore des questions, reste toujours dans le questionnement. C'est pas un personnage, c'est un personnage qui avance à petits pas. Peut-être ça met de la longueur des fois dans la série, je trouve. Mm-hmm. Michel Courtemanche, ça c'est pour moi. Je comprends là-dessus. Pour moi, oui. Personnel, si vous aimez Michel Courtemanche, c'est du Michel Courtemanche qui fait. Si vous avez un petit peu plus de misère, par exemple, moi j'ai un petit peu plus de misère avec Michel Courtemanche. Les faces. Puis c'est ouais. Ça, je trouve ça un petit peu plus en décalé avec le reste. Mais si vous aimez Michel Courtemanche, pour vrai, vous allez adorer ça. Là. C'est pas un point négatif pour vous. Ma note, au final, donc moi j'aime beaucoup cette série-là, c'est une série que j'ai beaucoup à cœur, que j'essaye de faire découvrir à le plus de monde, pour toute l'histoire, pour tout ce que je vous ai expliqué autour de ça, l'histoire autant des tournages, autant de comment cette série-là s'est faite, autant pour l'histoire en tant que telle de la série. Alors ma note personnelle, c'est un pamplemousse avec du sucre dessus. Est-ce qu'il est rose? Oui, un pamplemousse rose. C'est bon. On aime ça des fois le matin en manger. Des fois un petit peu surette, mais il faut accepter que c'est pas tout le monde qui va aimer ça. C'est fun de neige. Ah, génial. Frédéric Bernard, Crackpot TV. Oui, là, j'ai fait combien de temps? Ça fait 30 minutes et 33. Ah, mon Dieu. Moi, je trouve ça bien correct. Je pense que j'ai trouvé mon. Moi, je le prends. Je le prends. C'est sûr que, tu sais, on a annoncé d'autres affaires autour de cette chronique-là. Oui, c'est ça. Peut-être une semaine de temps en temps, tu skippes la série puis tu fais le reste de ce que tu es supposé faire, genre. Oui, c'est ça. Je vais m'adapter. Mais si à un moment donné, une semaine, ça me tente pas de travailler. Genre, parce que moi, ce qui me dérange dans ta chronique, je vais y aller avec le point négatif pour commencer. C'est que comment je vais faire pour tout écouter ça, moi? Oui. Oui. Tu sais, comment je vais faire d'ici à la. Tu sais, si tu m'en proposes à chaque semaine, là, ça va s'empiler sur la table, ça. Ouais, mais c'est ça se peut que ça soit pas tout qui te rejoigne, parce qu'on s'entend que déjà dans les deux semaines, c'est deux trucs complètement différents. Oui. Moi, j'ai écouté le premier épisode de True Detective, puis c'est pas venu me chercher du tout. Non, OK. Puis je pense que c'est normal, là. C'est peut-être juste pas mon genre du tout. Mais j'ai quand même apprécié beaucoup le style. Puis je peux comprendre que les gens aiment ça, mais moi, pour moi, c'est ça bouge pas assez. Mais ouais, c'est ça un peu le but de la chronique, proposer différentes séries que les gens vont découvrir. C'est ça. Ou des séries un peu à l'aérocorps, finalement, des petites séries qui ont pas l'argent pour se faire voir à l'extérieur. Mm-hmm. Que les gens aillent découvrir ça, dénicher ça, savoir si c'est fait pour eux. Là. Écoute pas tout, Mathieu. Mais à date, les deux me rejoignent pas mal beaucoup, je te dirais. Fait que non, c'est sûr qu'il va falloir que je tape ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, les mercredis. C'est à 9h, à 8h30, voilà. Oui. 8h30, on se trompe pas quand même. et puis, on te regarde aussi à la Luître, les lundis soirs à la Chasse-Galerie. Oui, c'est ça, les lundis soirs à la Chasse-Galerie, 20h. Alors, je joue dans l'équipe des Rouges. Oui. Alors, je vais juste parler des Rouges, je vous parle pas des autres équipes. Ils existent pas. C'est ça, ils existent pas. Il y a même pas d'arbitre, il y a juste les Rouges. Et vous jouez tout seul sur scène, un peu pathétique. Oui, c'est ça, on se fait rire, nous, on a du fun. T'aimes le staff, j'imagine? Je suis dans le staff. Oui, le staff est excellent. Merci Frédéric Bernard. dans quelques instants, ça va être le moment de Master Chef. Bien sûr. Avec Stéphanie Paradis, on va cuisiner quelque chose de délicieux, j'en suis certain. Avant ça, par contre, avant de terminer la chronique, je voulais juste. La semaine passée, je l'ai fait jouer sans te le demander parce qu'il y avait juste une intro à True Detective. Quel générique d'ouverture préfères-tu entre les saisons 1, 2, 3 et 4, mettons? Je te demande ça de HeroCorp. Prends la 3. La 3? Si t'as un générique d'ouverture de la 3, je pense que c'est elle qui a la musique la plus longue aussi. Les autres, je pense que c'est des 15 secondes. Parfait. Donc, on va écouter ça. HeroCorp, puis ben, c'est encore une fois, comment dire, ta série que t'as présentée aujourd'hui. J'essaie de voir si je l'ai ici, attention. Je pense que oui, mais je suis pas sûr, par exemple. Ouais, je l'ai. Ah ouais, ça marche. Si le son est allumé, là, ça va jouer là. Ça va. Attention. Regarde, je vais parler pendant 3 ans avant. J'aurais dû le préparer plus tôt. C'est ma faute! Tu vas à la pêche? Quoi? Oui. Non, je reviens de la pêche. C'est pas la pêche, ça? Bah non. Si tu savais comme j'ai galéré pour pêcher ce truc en plus. Ça va pas suffire pour 6, hein. D'autant plus qu'on est 7. Ah, mais elle mange, elle? Oui, elle mange, oui. Bah normalement, les super-héros sont prioritaires sur les civils, hein. Bah il a pas tort, hein. Non, mais c'est vrai, il a pas tort. Ok, vous me saoulez. Alors moi, c'est Klaus. Je suis l'homme le plus fort du monde. C'est mon pouvoir. Parce que oui, ça mérite quelques explications. Nous, on est des super-héros. Mais des pas terribles. Depuis quelque temps, ça va un peu mieux, mais on part de loin. Lui, c'est John. C'est une sorte de... comment dire? Non, parce que même moi, des fois, je suis paumé. C'est un peu un élu, quoi. Un gars qui fait des... Non, mais un élu, y a pas d'autre mot. Ça fait pas longtemps qu'il est au courant. Son pouvoir est assez pénible. Il sait hyper bien se défendre. Mais il contrôle pas. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Tout toujours à Assemblage Requis sur CIFU 89 FM. Il est 9h16 en ce mercredi matin, 14 janvier 2015. Stéphanie Paradis et ma co-animatrice. Mathieu Plante, lui qui pèse le piton. Eh, c'est ça, il fait rien que ça. Hein, il fait rien que ça. C'est le moment de cuisiner ensemble, d'apprendre comment cuisiner pour les débutants peut-être. Donc c'est Master Steph. Pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Mathieu, as-tu faim? Hey, j'ai faim, là, tu peux même pas savoir. J'imagine que ça fait vraiment longtemps que t'as pas mangé, parce que ça fait longtemps que la chronique a pas joué. Ah oui, ça fait depuis la mi-décembre, vers la troisième semaine du mois de décembre. Ah, tu dois être affamé. Affamé, et en passant, on fait la chronique aux deux semaines maintenant, pour ceux qui suivent pas. Oui, donc, c'est ça. Pour ça là, c'est pour ça. Parce que ça a l'air de rien, là, mais ça coûte cher. Oui. Donc, dans le fond, moi, je vous présente une recette qui a l'air cochonne, que je trouve sur Internet, fouille sur des blogs. Moi, je la cuisine pour vous. Je vous la présente et on goûte tous ensemble. Donc, si vous voulez suivre, là, présentement, je vais vous montrer, je vais vous présenter les ingrédients. C'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Moi, je suis là. Fait que vous êtes capable si je suis capable. Ben, c'est ça, je veux dire. Puis on sait bien que je fais rien que peser sur des pitons. C'est ça. Ben, oui, tu peses les pitons de l'écran. Ben oui. Donc, c'est facile. Sur la page d'accueil, j'ai déjà publié les photos. On essaie de les regarder dans l'ordre. C'est plus facile. C'est un peu moins mêlant quand je parle. Sinon, c'est comme un puzzle, un casse-tête. Si vous voulez vraiment rajouter un petit défi de plus, là, regardez dans le désert, voir ce que ça donne. Ouais, mais c'est parce que même moi, des fois, il y a quand même des étapes qui se ressemblent. Même moi, des fois, ça me mêle. Donc, ça pourrait être vraiment mêlant pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous cette semaine? Ça pourrait être italien. Mamma mia! C'est une lasagne. Une lasagne, oui, on mange de la lasagne. Mais au chocolat. Hein? Ça me semble, d'habitude, c'est le dessert tout le temps, ça m'a surpris un peu. Lasagne au chocolat. Donc, c'est tout simple comme ingrédient, ça vous prend un paquet de biscuits Oreo réguliers. OK. Ça précise pas double crème. Non. Donc, j'imagine que ça va faire trop de crème dans le... En tout cas... Peux-tu vraiment avoir trop de crème? Je sais pas. Ben, pour le rôle, oui. Peut-être. Tu sais même pas c'est quoi je vais faire avec. Mais non. Tu sais, c'est de quoi tu te mets. C'est pas toi qui cuisine. Toi, t'as tes pitons, hein? C'est ça, ben oui. Donc, ensuite, ça prend 6 cuillères à soupe de beurre fondu, un paquet de fromage à la crème ramolli, un quart de tasse de sucre granulé, 2 cuillères à soupe de lait froid. Là, j'ai mis une tasse et demie de Cool Whip divisé, mais en fait, c'était comme 12 onces, puis en tout cas. Fait que c'est pas grave, là. De toute façon, eux autres, ils disaient un tube. Moi, j'ai acheté le pot, c'est pas la même quantité. Ben je pense qu'on a même pas de tube ici. Ensuite, c'est quoi ça, un tube? Deux paquets de poudre pour pudding au chocolat instantané. 3 tasses et quart de lait froid et une tasse et demie de pépites de chocolat miniature. Donc, si vous allez présentement voir les photos, vous allez pouvoir suivre la recette et la faire en même temps que nous à la maison. On va vous dire quand changer de photo, n'ayez crainte. Oui. Donc, photo 1. OK. Écraser les biscuits Oreo, ça peut être au robot culinaire, ou tout simplement les placer dans un Ziploc, puis les écraser avec un rouleau à pâte, ouais. Si vous n'avez pas de robot culinaire. Le but, c'est d'avoir des miettes fines. Pas extra fines. Fines. Je sais pas. On veut une espèce de crumble chapelure, okay. Mais ça quand même, nous, ils sont pas trop fins, puis ça tient quand même bien. Donc ensuite, on va transférer les miettes de Oreo dans un grand bol. Moi, je l'ai fait directement dans mon mélangeur parce que je voulais pas faire plus de vaisselle. Ben et on va mélanger le beurre à l'aide d'une fourchette pour bien incorporer. Ensuite, à la photo 2, on va transférer dans un plat à cuisson de 9 par 13 pouces. Moi, j'en avais pas. C'est un 8 par 8, puis c'est bien parfait comme ça. C'est juste plus épais un petit peu, peut-être? C'est ça. C'est un peu plus épais. Puis honnêtement, 9 par 13... ça aurait pas été assez épais à mon goût parce que là, je le trouve parfait dans un moule carré 8 par 8. Ensuite, on va presser les miettes dans le fond et on veut vraiment de compacter le tout dans le fond de notre plat. Prenez vos jouets Tonka là, avec des rouleaux compresseurs. Là. Oui, exactement. Ouais. C'est super l'idéal. Comme de l'asphalte. Oui, exactement, mais pas la même odeur. Et on va placer au réfrigérateur pendant la préparation des autres étages. Okay. J'ai écrit des autres couches, puis je trouvais ça dégueulasse. Ouais, ben surtout avec la couleur de... Donc on va y aller avec étage. Étage. Ensuite, on va battre le fromage à la crème au mélangeur jusqu'à ce qu'il soit léger et onctueux. À la photo 3, on voit qu'on a ajouté 2 cuillères à soupe de lait et le sucre et on va battre à nouveau. À la photo 4, on ajoute 1 tasse et quart de Cool Whip et on mélange bien. Photo 5, on va étendre le mélange sur la croûte d'Oreo. À date, c'est logique, on s'attendait à ça. À date, ça va bien. C'est un porté chinois. Non, c'est une lasagne. Une lasagne, excuse-moi. C'est vrai, t'as raison. Mais ça reste des couches. Ça reste mélangé. Ensuite, photo 6 dans un bol. On aujourd'hui, c'est dauphin et baleine que j'ai mélangé. Ouais. C'est quoi d'autre que j'ai mélangé? 2 autres animaux. Un homard et un crabe. Ouais. Et là, c'est un pâté chinois et une lasagne. Ouais, c'est ça. Bizarre. Mais ça, c'est pas des animaux. C'est vrai. Bon point. Ensuite, photo 6, dans un bol, on va combiner les sachets de pudding instantané avec 3 tasses et quart de lait froid. Photo 7, fouetter plusieurs minutes jusqu'à ce que le mélange épaississe. Et on voit que ça frise vraiment beaucoup parce que c'est très, très liquide. Là, il y en avait partout sur mon comptoir. C'était horrible. Et j'avais pas tassé mon iPod. Mon iPod était plein de pudding. Il goûtait bon, ben ça. Mais une photo de choses à fouetter, c'est une fouetteau, qu'on appelle. Une fouetteau, exactement. Mon Dieu, c'était tellement ça. T'as regardé dans le dictionnaire. Hey, ça a vraiment donné quelque chose. Photo 8. À l'aide d'une spatule, on va étendre le pudding sur la couche de fromage à la crème et on laisse le dessert reposer au réfrigérateur 5 minutes avant de poursuivre. Donc, on prend un petit break. On range un peu la vaisselle en attendant. On lèche les spatules, tout ça. Un petit peu, aussi. Ouais. Ben oui, il n'y a pas d'œuf cru, rien. Là, tout le monde peut en manger. Ensuite, photo 9, on va étendre le Cool Whip restant sur le dessus. Photo 10, on va saupoudrer de pépites de chocolat. Et finalement, on va placer au congélateur pendant 1 heure ou au réfrigérateur pendant 4 heures avant de servir. Wow. Mais pour vrai, avoue que c'est pas mal aussi un pâté chinois. Vu que c'est des étages, moi, en fait, une lasagne, je trouve quoi? Que ça ressemble plus à un pâté chinois. Ben, c'est blanc sur le dessus. La lasagne aussi, mais plus gratinée, je trouve. Fait que c'est plus brun. Ça fait des bleus. Ouais, genre. Mais tu sais, moi, je change pas les noms, là. Non, mais c'est ça. C'est pas moi qui l'ai bâti. Mais les pépites de chocolat, on dirait quasiment le blé d'Inde. Le dinde? Ben oui. Non, c'est le paprika. Ah, OK. Sur le dessus des patates. Ben oui, t'as raison. Donc, oui, c'est ça. Je parlais au tout début de la quantité de... C'est le fun en passant, premièrement. C'est un dessert sans cuisson. Donc, c'est super le fun. Ben oui. Pour les journées où il fait très chaud ou les journées qu'il n'y a pas d'électricité. Non, ça prend un frigo. Un batteur aussi. Pour les journées où ton four marche pas. Oui. Les journées où le four est brisé. Il est au garage. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment le fun. On aime ça quand il n'y a pas de cuisson. On peut pas se brûler aussi. Facile, pas mal, je trouve. Donc, oui, quand c'est de Cool Whip, eux autres, c'était un tube de 12 onces, là, mais c'est parce qu'un pot, c'est pas pareil. Mais c'est le fun et précis. C'est 1 tasse et quart vraiment dans le mélange. Puis après, là, tu mets la quantité que tu veux sur le dessus. Là. Puis that's it, il va t'en rester un peu quand même. Fait que tu vas pouvoir le manger à cuillère. Si tu veux. Moi, il me restait un petit peu de pudding vu que mon moule n'était pas aussi grand. Fait que ça m'a fait un petit plat de pudding. J'ai mis un petit peu de Cool Whip dessus. C'est excellent. Fait que ça nous fait un autre dessert en plus à part de ça. Bonus. Exactement. Aussi, ça dit des pépites miniatures. Moi, j'en avais pas. J'ai pris des grosses. On s'en fout. Ah, sérieux, oui. Pour vrai, rendu là, c'est un détail. Ben, ça dépend de la recette. Je te dirais que des fois, ça va changer en subtilité. Mais là, on s'entorche. Oui, mais oui. Là, vraiment, on s'entorche. Vraiment. Dans la recette originale, ça dit de prendre un emballage d'Oreo et que c'est approximativement 36 biscuits et c'est totalement faux. Au Québec, il n'y a pas 36 biscuits. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a 36 biscuits dans leur boîte. Peut-être que leur Costco, hein. Mais, gros, hein. Mais dans la boîte, je pense qu'il y en avait comme 28, quelque chose comme ça. Tu t'es fait avoir, il fallait que t'en mettes moins ou t'es allé en acheter un autre paquet? Ah non, en plus, je n'ai mangé 3-4 avant, puis j'ai fait un fond. OK, puis genre, prenez pas les marques maison. Ben non, Non, mais je sais bien. Mais il y en a qui sont de même, tu sais. Pas pour cette recette-là. Ils savent pas, ils n'ont pas goûté. C'est que ça, fait que moi, j'ai mis à peu près 25 biscuits Oreo, j'ai quand même fait une belle croûte. Mon moule était moins grand, de toute façon, fait que je me suis permis d'en manger quelques heures. Voilà. Donc, avant de déguster, ça te tente-tu qu'on aille en musique? On s'en va entendre une petite pièce dès maintenant et c'est 101 de Baby Gap tiré de l'album Super Lasagne. Oh, c'est dans Master Steph à son âge requis. We'll be right back. C'était 101 de Baby Gap, tiré de l'album Super Lasagne. Et tout ça, c'est dans la chronique Master Steph. Parce qu'aujourd'hui, on vous cuisine une lasagne, mais au chocolat. Mm. Qu'on trouve que ça ressemble plus à un pâté chinois, ouais, finalement. Mais c'est un détail. La forme importe peu, c'est le goût. Mais ça goûte pas la lasagne non plus, ni le pâté chinois. Non. J'espère que ça goûte pas la lasagne au chocolat. Ce serait bizarre. Non, ça serait vraiment une lasagne normale avec du chocolat. Donc, je te passe dès maintenant ton plat avec quand même une bonne bon portion. Morceau. Ouais, ouais. Mais, tu sais, t'es pas obligé de tout manger là non plus. Là. Merci. Ben là, attends un peu. On va voir si c'est bon, tu sais. Parce que j'entends des bons commentaires. Hein. Il y a toujours un cobaye qui essaie ça avant moi, apparemment. Ben, tu sais, il y a accès au frigo dès le par soir. Par défaut, même. Oui, exact. Donc, on voit très bien. Toi, tu vois probablement mieux que moi parce que moi, j'ai une petite motte effouérée. Ouais. Mais t'as vraiment, c'est vraiment très beau parce que t'as une couche d'Oreo, ensuite une couche blanche mélange de fromage à crème Cool Whip. Après ça, un étage tout brun de pudding au chocolat et un étage de Cool Whip avec les pépites de chocolat par-dessus. Mais et c'est super beau, agréable et ça sent bon. Ça sent bon et ça jiggle quand tu le brasses. Ouais, c'est fun, hein? Ça jiggle comme du Jello. Est-ce que t'es prêt à goûter à ouais, ça? Ouais, je suis prêt. J'ai senti, je voulais juste m'assurer de sentir. De sens-tu bon? Ouais, ouais, c'est ah, très, ça sent très bon. Attends, je vais prendre tous tes étages. Attends. Alors, j'arrive, bon. J'arrive. Mmh. Ah ouais. Ah. Mmh. Mmh. Mais ça goûte un gâteau fromage un peu. Un peu, c'est vrai, t'as raison. Très chocolaté. Évidemment. Très crémeux. À la bonne température aussi. J'aime le petit rugueux de l'asphalte. Ouais. La texture rugueuse, j'aime bien. J'en pogne pas beaucoup, je pogne plus de crème fouettée. Je te dirais que c'est quand même lourd, étonnamment. Mm-hmm. On dirait que je m'attendais à plus de légèreté. Ouais. Ben, ça dépend de la bouchée. La bouchée, oui, ou t'as majoritairement du dessus. C'est quand même assez léger. Mais c'est le croquant des brisures de chocolat aussi qui vient ajouter un petit quelque chose de plus. Ouais. C'est très bon. Très, très bon. Ah ouais, j'adore ça. J'ai hâte de le finir, en fait. C'est vraiment très, très bon. Je veux pas le lâcher, ça. Mais j'ai pas le choix. Excellent. Oui, c'est vraiment excellent. Comme toujours, presque, la plupart du temps. Mais c'est vraiment comme un gâteau au fromage, mais pimpé, parce qu'on a le pudding par-dessus, un peu plus de crème fouettée. Moi, je trouve ça totalement parfait. Là. Oui. Ah, oh, miam, et sans cuisson. On aime ça. Une réussite et en plus assez, je dirais, facile à faire. Très facile c'est à faire. Calibre. C'est pas plus facile que la plupart des autres chroniques, t'sais, qui étaient déjà, il y en avait des faciles là-dedans. Mais oui, c'est sûr que peut-être toi, t'aurais pas fait les bretzels où tu devais rouler la pâte, faire bouillir ouais, et non. Tout ça. C'est un peu plus complexe, mais ça, c'est vraiment très, très simple pour tout débutant. Peut-être même une recette qu'on peut commencer à faire avec les enfants qu'on veut aider à cuisiner. Déjà, on sert pas de la cuisinière, donc c'est très, très agréable pour ça. Moi, j'aurais quadruplé le nombre de pépites de chocolat parce que je suis très plat. Mais non, on dirait que moi, si j'étais tombée sur plus de pépites, on dirait que... Ça bon, en plus. Je sais pas, on dirait que tu te pètes une dent dessus. Hey, j'ai acheté un méga, méga gros sac au Costco. Ouais. Je m'en sers tellement souvent. J'ai acheté un ou deux sacs par semaine parce que je cuisine avec ça. Fait que là, j'ai acheté un giga sac, là, donc j'en manque pas. Là. C'est génial. Les pépites de chocolat, c'est la vie. En tout cas. Que oui. On n'est pas évidemment au bon moment de l'intro, mais on va arrêter de s'en faire avec ça. On a appris il y a longtemps que ça arrivera jamais correctement. Ça, non, ça va c'est être ça. La section trucs et astuces. Oh. Truc et astuce. C'est truc et astuce, hey, de Master Steph. Yes! On va juste reprendre ce bout-là, puis le pogner de cette émission aussi, puis le remettre les autres. Donc, de Master Steph, évidemment, comment mieux vivre édition culinaire, si on veut. Exactement. On commence avec la cafetière. Donc, si vous rangez votre cafetière ou votre théière, hein, donc on fait pas de discrimination cafetière-théière. Si vous êtes britannique, vous avez le droit de... Je sais pas. C'est ça. Donc, si vous rangez votre cafetière, votre théière pour un moment, mettez à l'intérieur un morceau de sucre. Ça va éviter d'avoir des odeurs quand vous voudrez les réutiliser. Ah, ben! Ah, intéressant, c'est ça. Bon. Ensuite, on parle de caramel. Donc, par exemple, si vous faites votre le caramel... Le système de courriel des années 90. Exactement, okay, caramel. Parfait. Donc, si vous faites votre propre caramel, n'étalez pas du sucre qui fond ou du sirop bouillant sur les bords de la casserole parce que le sucre cristalliserait et en tombant dans la casserole, il empêcherait le sirop de caraméliser. Petit pot de beurre. Petit pot de beurre irisé. Ça me rappelle ça. Ah, OK. Aussi important, ne remuez pas le sirop quand il commence à bouillir, sinon il cristalliserait, et c'est pas ça qu'on veut. S'il cristallise, ajoutez un peu d'eau, faites dissoudre complètement le sirop, puis faites bouillir à nouveau. Donc, un petit truc pour le racheter. Ensuite, pour nettoyer les casseroles et les moules dans lesquels il y a eu du caramel, c'est simple, on y fait bouillir de l'eau et le caramel va se dissoudre rapidement et facilement. Donc, on se fait pas suer avec la vaisselle. Ensuite, on parle confiture. Conservez les pépins de pommes séchés dans un petit bocal et vous pourrez les réutiliser pour faire vos confitures. Donc, environ 10 pépins pour 500 g de fruits. Donc, mettez-les dans une mousseline avec votre confiture. Une mousseline. On dirait un magasin de jeux vidéo Cable Madden. Tu sais, c'est mousseline, tu vas acheter des... Non, on dirait plus un magasin de jouets pour enfants. OK. Non? Donc, non, c'est un tissu mousseline. Donc, mettez les pépins avec les fruits dans une mousseline. Donc, la pectine contenue dans les pépins va se mélanger aux fruits et vos confitures seront fermes, juste comme il faut. Donc, retirez la mousseline à la fin de la cuisson. Ah! Pour ceux qui aiment les confitures, ben écoutez notre émission du midi, le dîner de confiture. Ça parle tout le temps de confiture. Sans arrêt. Ensuite, on parle de crêpes. Pour les conserver au chaud. Tu sais, quand tu fais cuire des crêpes, des fois, ça peut être long parce qu'il faut que tu en fasses juste cuire une à la fois. Donc, réservez-les dans une assiette posée sur une casserole d'eau bouillante. Et ça va garder la température. Et si votre pâte à crêpes a des grumeaux, passe-la au tamis et écrase les grumeaux avec une cuillère. Et on n'aura pas de grumeaux. Où c'est que t'as mis le tamis? C'est Tammy, Tammy. Ah, c'est Tammy, Tammy. OK. Hystérectomie. Comment? Ah! Et finalement, pour empêcher, par exemple, un gâteau de colorer trop vite. Donc, des fois, si c'est un gros gâteau, il va pas cuire assez rapidement en dedans, mais il va colorer beaucoup à l'extérieur. C'est facile, recouvrez-le d'une feuille d'aluminium ou placez une tôle froide au-dessus. Voilà! Wow! Plein de trucs! C'est magique! C'est fantastique. Et on fait ça toutes les semaines aux deux semaines, tu sais. Toutes les semaines aux deux semaines. Ouais. Master Steph. L'autre semaine, en alternance, c'est une grosse pointe en dress. Voilà. Génial. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Master Steph, mercredi à 9h aux deux semaines. Nous, ça va malheureusement être la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Oh, non. Ouais, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez là, plus tard, le dîner de con s'en vient avec Danny Janvier à 11h. Le dîner de confiture, évidemment, l'émission qui parle de confiture. À 13h, je vais être de retour pour mon petit chiffre de 5h, le Mathieu Plancheau à 13h et les Palmarès C'est fou à 15h avec Jean-Philippe Charbonneau. Audiomatique sera là à 18h et les Audacieuses à 19h. C'est fou.ca pour la programmation complète de C'est fou. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On remercie Frédéric Bernard. On remercie Cindy Gilbert. Oui. Violette Mire. Oui. Toi, Stéphanie Paradis? Oui! Toi, Mathieu Plan! Mais... Non, toi, Mathieu Plan! Oh oui! Oui! Yeah! Et puis, on se retrouve demain à 6h30. Bye! Bye!